Hey, salut à tous et bienvenue pour ce 32e numéro de Sunday Night Voices. Eh bien, dis donc, 32, ça fait beaucoup quand même, hein, messieurs. Et on va s'attaquer à Elimination Chamber avec une bonne bande de chroniqueurs et un mec qui a fait son retour de dans de ses zoos. Je vous garde la surprise pour la fin. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il m'avait manqué. Salut, Brousty. Ouais, salut tout le monde. Que d'émotions, ça. Oui. On retrouve un grand ami. Salut Vincent. Salut tout le monde. Par contre, toi, tu me fais pas pleurer, aucune émotion dans ta voix. Ça Non. sera rouge. Non, bah, je suis pas. Après, si je retourne à Alvéro, je vous préviens, ça va être énorme. Oh putain. Je suis pas Un bon. jour, il va revenir. Je suis pas bon acteur, alors je préfère pas simuler. T'as pas simulé. Pourtant, tu simules au lit avec moi la dernière fois. Arrête. T'as kiffé Non. ça. Tifo. Ouais, salut tout le monde. En fait, le mec, il nous fait un retour à Jack Swagger, quoi. Putain, Non, le salaud. c'est ça, ça. Le troll, quoi. Le troll commence. Salut Renaud. Salut à tous, salut tout le monde. Salut Seb. Salut Gus, et mention spéciale pour ta superbe intro. Hein. Ah. Ah. Et le mec, il a fait son retour, ça y est. Un an qu'on attend ça. Un an. Salut Kevin, tu m'as manqué. Mon Gus. Oh, ça y est, je suis un mouchoir d'utilisé. Ça y est. Oh là juste, là. Juste comme ça, les gars, j'ai eu une vraie larme qui est coulée sur ma joue. Que des mots. Non, c'est pas tu vrai. Joues pas non plus Belle la vie. Si. Non, mais je me prépare pour faire un rôle dans le jour où tout a basculé. Ah oui, d'accord, ok. Ah, je crois que t'es pris là. Allez, c'est parti, monsieur. Et Kevin. Oui. Quoi de neuf? Ah bah écoute, ça va être très très bien. Comment voilà. Ça va t'étais comment... où, t'étais où? Comment ça va Radio Dialogue? Ah bah écoute, ça va très très bien. Et puis, je vais passer ça une va très bien. Très belle soirée avec une très très belle équipe. Et puis non, bah content. Et c'est vrai que ça fait quand même un an que j'étais parti, un an que je vous ai dit je vais revenir quand même et tout. Et puis bon, là, il y a le seul mania qui arrive. Donc, bon, ouais, comme l'Undertaker. He's back. C'est oui. Exactement ça. Comme... Et ouais, en fait, c'est ça. Comme alors, attends, alors, je alors, reviens on se après, pose après, je tout... repars. Attends, parce que toute l'équipe se pose une question quand même. Est-ce que tu as vu le pay-per-view? Si je réponds non, je peux partir? Non, tu vas rester. Attends, t'es Bon, notre... alors je vais rester. Enfin, t'es notre invité d'honneur. T'es même pas invité. Tu viens quand tu veux. C'est vrai. Et on toc a à la eu porte si tu Steve viens. avec Norbert Feuillant, Marc Chabé. Depuis. Et là, vous avez moi maintenant. C'est Lyon Varini, Grigory 10. C'est vrai aussi, j'avais oublié. Et maintenant, il y a ouais, moi. Les C'est oublier beau. quand même. Attends, puis quoi encore? Allez, on va passer à la liste des sujets, messieurs, bien sûr. On va parler de ce fabuleux pay-per-view qu'on a vu dimanche dernier. C'était Elimination Chamber. On s'est éclaté ou pas? Ou pas, effectivement. Après, on fera un débat parce qu'on a eu un petit débat dimanche dernier pendant le pay-per-view. On se demande si les titres majeurs devaient-ils être réunifiés ou pas. Ou pas pour moi, pour ma part. Enfin, on défendra ça tout à l'heure et on va parler un petit peu de WrestleMania 29 avec Kevin. Ou pas, non, je déconne. Non. Oui, très très bien. Allez, c'est parti. Je vais prendre un petit jingle de Vincent de Broussy. Je ne sais pas encore qui c'est qui va faire le montage, ce sera la surprise. Et on partira de suite vers le pre-show d'Elimination Chamber. Allez, c'est parti, messieurs. So here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the forgotten sons. We call her outside the lines for fun. Here's to the crazy ones. So here's to the crazy ones, the badass outcasts under the guns. We march to the beat of a different drum. Here's to the crazy ones. Here's to the crazy ones. Yeah. Allez, c'est parti pour le pré-show d'Elimination Chamber, messieurs. Ça a duré 4 minutes et 6 secondes. Le match opposé, les Monsters of Funk, j'allais dire of Punk, mais non, Brodus Clay et Tensai ont battu Team Road Scholars, qui, bon, c'était une défaite logique, hein. Ils étaient là, sans... ils sont là pour du beurre, hein. Ces deux-là, maintenant, par équipe. Qui c'est qui a vu le pré-show, messieurs? Moi. Moi. T'as vu le pré-show, Tifo? Ouais, t'as vu, oh. C'est ouf, hein. Vas-y. Je te jure. Vas-y, tu commences. Vas-y, tu veux que je dise quoi? Ce que tu veux. Bah alors ce pré-show, j'aimais bien les tenues de Naomi et Cameron. Et voilà. D'accord, merci Tifo. Mais non, mais il n'y a rien à dire. C'est nul, ça sert. Mais non, mais ça sert à rien comme pré-show. Le match, il dure 3 minutes à tout péter. Il n'y a rien, quoi. C'est nul. Mais voilà, j'aimais bien les tenues des danseuses. Vous aussi. Ben, ça confirme que, ben, surtout que Tensai, il a fait un bon gros face turn à la con, que maintenant il danse avec Tensai et qu'il est Pom Pom Girl, donc que t'as adoré Tifo, et puis ben, qu'ils vont se diriger vers les titres par équipe, je pense, et Gus aussi le pense, je crois, et donc c'est voilà. Très triste. Ben ouais. Mais, et puis Rose Collard, c'est du remplissage, les pauvres, la WWE, c'est pas comment utiliser. C'est deux mecs comme beaucoup de mecs au passage, donc elle les a remplis là alors qu'ils étaient censés ne plus jamais faire équipe. Enfin, bon. Il y a Kevin sur le chat qui vient d'apprendre que Tensai avait tourné. Ouais, enfin, c'est toujours récent. Je suis choqué, je suis outré. Bah, il a tourné en fait en portant de la lingerie féminine. Alors. Ah d'accord, quand même. Hein. C'était un Brian Prentice match en fait. Ah, j'ai raté des trucs, hein, pour le moment. T'as raté des trucs. Lingerie Pillow Fight. Oui. De toute façon, à la WWE, en général, quand le big man ne réussit pas dans un personnage destructeur, il devient face et un personnage comique. Oui, ridicule. C'est exactement ce qui est arrivé, encore une fois. Marc Henry, d'ailleurs, ça avait été le cas à l'époque aussi. Ouais. Hein, à un moment. Ouais, ouais. Puis, bon, Big Show aussi. Le jour où il est redevenu heel, c'était un grand... D'ailleurs, il est peut-être maintenant l'un des petits types les plus populaires auprès des smarts à la WWE aujourd'hui. Quoi. Qui veut... Je vais parler du pré-show un petit peu, parce que bon, quand même, il faut parler du match. C'était... Bon, je sais même pas si on peut vraiment parler de ce match, parce qu'il n'y a, vraiment pas eu de confrontation, quoi. Il y a Tensai, il est juste rentré faire son finisher à Damien Sandow, je crois, je suis pas plus très sûr. Oui, Sandow, il y a une double combinaison, en fait, double splash, quoi. Ah oui, ouais. Ouais, c'était pas terrible. C'était même à chier, on peut dire ça comme ça. Bon, messieurs, je peux pas m'attarder plus là-dessus. Est-ce que vous voulez passer à l'opener ? Vincent, ouais. Tu voulais pas dire quelque chose ? Ah, peut-être Vincent, oui. Non, mais il a pas vu le pré-show, je crois. Si, si, oh, si tu m'as oublié. Bah, non, mais tu le fais à chaque fois. Tu m'as dit que je l'avais pas vu, alors. Si, si, bah, tu regardes. Ah oui, mais sur le chat, j'avais pas vu, je viens de le voir, effectivement. Ouais. Non, mais ouf, ouais, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. À part qu'ils savent pas quoi faire avec leur équipe et un pré-show de 3 minutes, je vois pas à quoi ça sert, quoi. En fait, Tensai et Brodus Clay en équipe, ça va devenir comme Santino, Marilla et Koslov à l'époque. Quoi. Ouais, ouais, je pense. On va revenir avec à les ça meufs en plus. Près. Voilà, avec les bebons à côté, quoi. Enfin, les bebons. Moi aussi. Non, mais moi, en même temps, j'y pense. Naomi, il faudra vraiment la mettre dans un ring. Parce que... Dans un ring, mais ailleurs qu'à la WWE alors. Ah ben commence à apparaître dans les matchs, là on l'a vu à Raw le lendemain, elle était déjà en équipe. Hein. Ben oui, mais c'est la meilleure dans un aujourd'hui. Aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure sur les divans, on fera un petit débat. Ouais, vas-y, ouais, c'est super. Allez, c'est parti pour l'apneur, messieurs, ça a duré 13 minutes et 5 secondes, c'était pour le World Heavyweight Championship. Le vainqueur affrontera le gagnant de l'Elimination Chamber pour le titre de World Heavyweight Champion, donc à WrestleMania 29. Et Alberto Del Rio sera dans ce main event là, enfin ça sera pas vraiment un main event, hein. Ça sera plutôt l'opener du pay-per-view. Oui. Alberto Del Rio a battu le Big Show en 13-05, messieurs. C'était, on a vu. Par soumission. Deux, oui, en plus par soumission. On a vu deux last man standing match entre ces deux personnes, dont un Royal Rumble, puis une rivalité 3 semaines complètement dominée par Del Rio. Puis un single match. Il n'y a pas un petit problème dans l'organisation de la FUD? Complètement. Vas-y Renaud. Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est assez rare qu'on voit un match simple passer après un last man ou passer après n'importe quel stipu d'ailleurs. C'est ouais, c'est très rare, mais sur le match en lui-même, moi j'ai quand même préféré ce match-là à celui du Rumble. Ah non. Mais je te donne mon avis perso. Après, c'est pas exceptionnel. Les Del Rio Big Show, j'ai plus envie d'en voir perso. Voilà, ça c'est clair. Mais je trouve qu'au niveau du rythme, c'était mieux. Parce que moi, j'ai du mal avec les last man standing. Parce que le compte de l'arbitre à chaque fois, je trouve que ça casse le match. Tu sais, dans les last man standing, dès qu'il y a une bonne prise... C'est le but de last man standing. Comme ça, le but reprend son souffle. Et... Ouais, bah oui, bien sûr que c'est le but. Mais moi, perso, j'adhère pas. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a, qu'il y a une belle prise, allez, le compte de l'arbitre, alors qu'on sait très bien que le mec, de toute façon, va se relever avant 10 pendant le match. Mais voilà, moi, last man standing, il y a plein de stipus que je kiffe. Mais alors, le last man, j'ai du mal. La semaine standing, c'est la stipulation la plus dégueulasse de l'histoire du catch. Et je donne la parole à Vincent. Moi, je suis d'accord avec Renaud. C'est un match assez difficile. C'est difficile de faire un bon match avec la semaine standing. Après, j'ai pas trop aimé ce match-là parce que je trouve que c'est un spot fest, quoi. Y a pas de lien entre les prises, quoi. Et puis, bon, je vais démarrer tout de suite mon petit pamphlet sur Del Rio. Je ne le supporte pas. Alors déjà qu'en face, je ne l'aimais pas, mais je trouve que son turn en... Enfin, je l'aimais pas en heal, mais je trouve que son turn en face, c'est encore pire, quoi. C'est un Eddie Guerrero version cheap et encore, quoi. Mais n'importe Non, quoi, ça. non, Non, c'est tu pas, sais pas n'importe mon quoi. jugement, là. Ah, Vincent. Mais franchement, Del Rio, en face, ça a relancé correctement son intérêt pour lui. Parce que, franchement, son personnage de heel, il commençait vraiment à me casser les Ah couilles, non, quoi. mais t'as vu les segments à Il se SmackDown? faisait clairement chier. Non, mais je regarde plus SmackDown depuis un an, Bah bonhomme. voilà. Déjà Non, mais SmackDown. Vincent, C'est l'inverse de moi, héros, tiens. il a fait. Moi, je trouve que le face turn de Del Rio a été fait trop vite, trop précipité sur un soir comme ça. Sur Mais le ça, je suis problème, d'accord c'est. Ah, avec mais toi. ça, Il a oui, on fait en son a turn déjà sur les parlé, Twinbee, ça. donc. Ouais, exactement. Ouais, voilà, c'est ça qui s'est passé. C'était à Chelsea. D'un coup, comme ça, il kiffe Rodriguez alors qu'il pouvait pas se le voir. Sur ça, je suis d'accord avec toi, Et vraiment. oui. Le Core Mais après, Rumble, on ne pareil, il y compare avait pas Eddie toujours ça, de Guerrero. C'est pas façon. possible de comparer, Vincent. Ne compare pas Eddie Guerrero. Non. C'est pas possible. Non, mais je Non, compare mais Eddie c'est toujours Guerrero pas. parce Non, qu'il mais gagne DTA, assez c'est toujours souvent en pareil, trichant, là, depuis son face turn, quoi. Ouais, mais Eddie, c'était dans le style comique en plus qui trichait, tu sais. Je veux dire, Non, mais ce franchement. que. Non, mais les gars, sans déconner. Le Ouais. botch. Pour en venir au Ah match. ouais, ça par contre, oui, bah oui, le botch, oui. Le Oh, le botch. botch. Ah. Qu'est-ce botch d'ailleurs? Ça Ben tue oui, le c'est match en fait, regrettable. tout simplement. Parce que au Non, mais final, t'as c'est vu le le seul Big truc. Show? Non, mais t'as vu le Big Show, il est resté immobile pendant au moins 5 secondes après. Ouais, le Big Show n'a pas vu en fait, n'a rien compris au truc. Tu sais, il a pas Hein. bougé quoi. Ben oui, il tenait le saut, donc ouais. Et puis en même temps, il n'est pas bougé Ouais, en alors que le plus. mec il a tapé dans la corde quoi. Enfin... Non, mais Kevin, tes ouais, non. impressions sur le match? Attends, je réfléchis, hein. Ouais, mais ils avaient fait mieux quand même, hein, la dernière fois. Non, je suis pas trop Plusieurs surpris avis. du résultat. Mais bon, non, je suis content pour Del Rio maintenant. Bon, c'est pas. Je suis pas plus fan que ça, donc on verra bien si ça fait un bon match à WrestleMania. Remettre les choses au clair, Kevin vit en ami, il n'a pas vu le pay-per-view. Hein, mais évidemment, vous l'aurez compris, on est ici un petit peu pour rigoler avec lui, parce qu'il nous a manqué. Sébastien. Non, moi, je trouve que le match est plutôt de bonne facture, mais comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment le spot avec le saut qui tue tout simplement le match. Parce qu'au final, c'est le seul truc qu'on retiendra, avec bien entendu l'abandon du Big Show, qui est quand Oui, même alors, je assez vais y revenir. surprenant, je trouve. Je vais y revenir. Déjà, le Big Show abandonné, c'est pas crédible. Les big men comme ça qui abandonnent, qui tapent, c'est tellement pas crédible pour ma part que c'est à chier. Le truc, c'est qu'il est construit actuellement comme étant véritablement un destructeur, donc c'est vrai que c'est assez surprenant de le voir abandonner Un bonhomme gros dans comme son lui dernier. abandonné, non, ça le fait pas, je suis désolé, quoi. Non, non, non. Surtout qu'il y a... Surtout que... Je vous entends tous défendre ce match, mais non, les gars, non, le match est pas bon, je me suis clairement fait Non chier, moi. mais... Je me suis emmerdé. Le pire, c'est qu'il abandonne alors qu'il n'y a eu aucun travail sur le bras, quoi. Enfin... Ouais, non, mais ça. Mais c'est le but, les gars, c'est une clé de bras, hein. C'est une soumission, c'est le but, hein. Oui, non, C'est mais censé te faire hyper mal au bras, hein. C'est Non, une mais c'est prise le de Big Show. MMA, ça. C'est le Big Show, bonhomme. Mais le Big Show, il se prend ça en MMA, une clé de bras comme ça, il abandonne direct, hein. Mais C'est. non, mais Ouais, t'as mais ils moi, n'ont pas travaillé le bras y a avant, rien je de suis choquant. désolé. C'est une clé de bras. Non, pour moi, il y a rien de choquant. Ouais, enfin bref. Vous avez kiffé le match, les gars? Ou Moi, j'ai enfin, vous non, moi l'avez. j'ai Quand pas je dis kiffé. kiffé. Non, mais quand je dis kiffé, vous avez bien aimé? Moi, je l'ai préféré au Royal Rumble. Maintenant, si demain tu me Non. dis on refait un Big Show Del Rio, je te dis oh, non, s'il te plaît, non. Voilà. Eh ben moi, j'ai bien Maintenant. aimé. Non, non, j'ai bien aimé, je suis désolé. Moi, je Bon, me suis fait chier, moi. j'enlève le botch, mais en live, je l'avais déjà dit. Moi, j'appréciais le travail, honnêtement. C'était plutôt bien rythmé. C'était mieux qu'au Rumble, donc à partir de là, ça me plaisait. Après, c'est sûr que, comme Renaud, j'ai pas non plus envie que ça s'éternise. C'est fait. Après, comme Gus, c'est sûr que je ne trouve pas logique. Ça aurait dû finir par Last Man Standing, évidemment. C'est Non, parce bien que la logique. feud a quand même commencé sur un Last Man Standing et se termine sur Ben oui, ouais. ça, oui. Single match, quoi. C'est ça qui est dommage. Mais moi, j'ai trouvé que le travail était plutôt bon. Hein, mis à part la fin, c'est sûr que très dommage. Et puis, Del Rio commence à faire réagir le public quand même. Elle est si, donc bon. Juste, on va parler. Évolution. Tu parles du public, on va faire une petite parenthèse publique, parce que public de New Orleans. Voilà, Je t'as tout suis résumé. pas d'accord avec toi, Il y Gus. avait eu Atlanta récemment aussi, qui n'était pas terrible. Le Alors. public de New Orleans, c'est le pire public que j'ai vu depuis Oh, pas moins sûr, de pas deux sûr. ans. Non. Et bien, Non, Atlanta non. deux ans, j'ai Atlanta pas vu un pire public que ça. récemment, Atlanta, tu t'en souviens d'Atlanta? c'était où Atlanta? C'était quel pay-per-view? Hell in Où the ça? Cell. Ou WrestleMania 27, par exemple. Ou Hell in the Cell récemment. Ah, c'était terrible, même toi, tu t'en souviens, j'en suis sûr. On Ben oui, était là, on t'avais nous disait classé c'est le pas public, je m'en possible. souviens très bien. Ah Ouais, le ouais. matin, là aussi, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Bah oui, mais c'est pas. Ouais, non, ils étaient pas super, mais ils ont réagi sur quelques trucs. Arrête, pas du tout. Je me suis cassé. Oh, Ryback, le shield. Attends, t'as entendu son entrée à Ryback pendant le match? Non, Ryback, il s'est pris une pop de merde. Il a rien eu. Il a rien eu. Il a même pas eu. Non, pendant le match, je parle pas pendant l'entrée. Je parle quand il rentre pendant le match après. Moi, je te parle quand il rentre avant. Non, mais il y a eu quelques trucs. Bon, on verra au fur et à mesure. C'est pareil, il a eu quasiment aucune réaction. Putain de merde. C'est un public en bois, mais. Public de merde qu'on a eu. Mieux que Atlanta, je trouve. Je vais te dire quoi. Le pay-per-view, on a vraiment souffert du public. Ouais, complètement, ouais. Mais ça c'est. Ouais. Le pay-per-view a souffert de son public. De toute façon, quand on met des bonnes notes au pay-per-view, il y a le public qui participe aussi. Hein. Franchement, hein. TLC, le public, il était énorme. Le show était énorme, mais il y avait le public aussi qui jouait un gros rôle. Hein. Ça, c'est clair. En même temps, quand tu mets des matchs moyens au public, le public va pas non plus popper pendant toute la soirée. Quoi. Ouais, mais oui, non, oui, mais attends, c'est vrai que. Désolé, quand tu vois la carte qui est proposée, la carte est loin d'être dégueulasse. Ouais, ah, c'est pas faux, mais en même temps, je peux comprendre les gens. Non, quoi. Mais il y a des villes réputées pour dormir. Hein. Il y a des villes où le catch, ils viennent à chaque fois, ils ont beau venir. Ah, mais le problème, c'est qu'ils vont pas faire tout le temps des shows à Chicago ou à New York, quoi. Exactement. Oui, parce qu'il y a que les villes du nord-est des États-Unis et du sud du Canada qui vivent. Sinon, tout le reste, c'est dodo. C'est les bobos, quoi. Ça m'a cassé les couilles. Hein, et limite, je me demande pourquoi ne pas faire de temps en temps un pay-per-view en Angleterre ou quelque chose comme ça, quoi. Parce qu'au moins là. Non, c'est peut-être au niveau de l'organisation, ce serait peut-être. Le décalage horaire. Non, mais ils l'ont déjà... tu sais que c'était le cas avant. Hein. Ils venaient chaque année, ils venaient faire Rébellion et Insurrection. Bah ouais, voilà. Ils venaient chaque année faire. Oui. Ouais, mais depuis, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est devenu la WWE et tout, donc très différent. Okay. Aujourd'hui, ce produit a un peu changé. Et... Vu qu'on a fait la parenthèse publique, messieurs, je propose qu'on passe au match suivant, si vous voulez. Allez. C'était pour le titre de United States Championship. Ça a duré 8 minutes et 21 secondes. Antonio Cesaro a battu le Miz par disqualification. Après un fin de match, le Miz est retombé sur les cougnettes à Antonio Cesaro. J'ai cru que c'était un botch au début. En fait, quand j'ai vu que c'était le booking, j'ai fait oulala. Malheureux, ouais. Ben ouais, parce que ça fait une disqualification. Et puis, ça va nous continuer jusqu'à WrestleMania. Surtout que, bon, moi perso, j'ai pas aimé le match qui était. Disons que The Miz n'a pas participé assez au match. Ça jouait beaucoup trop sur le fait qu'il était entre guillemets blessé à l'épaule depuis l'attaque de Cesaro là en show au début de la semaine à Raw. Et puis je sais pas, mais à Cesaro, moi j'aimerais des meilleurs adversaires. Parler de Christian, le pauvre est toujours pas revenu. Ça serait mieux quoi. Après le match, voilà, c'est fluide du côté de Cesaro, il n'y a rien du côté de Miz, c'est ça qui est dérangeant et qui fait que le match à l'arrivée, malheureusement, n'est pas marquant. Voilà. Oui, c'est un passé d'exceptionnel durant le combat, quoi. C'est peut-être dommage. Enfin, on s'y attendait, je crois que c'est la deuxième confrontation, on en aura sûrement une à WrestleMania, sûrement en pré-show d'ailleurs. Non, c'était pas terrible. Hein. Non, je me suis vraiment ennuyé encore pendant le combat. Quoi. Pourtant, la 16-0 et Miz, moi je les aime bien. Même depuis le face turn du Miz, ça me gêne pas qu'il utilise la figure for leg lock, même si c'est pas l'affaire. Non, mais je m'en bats les couilles. Il y a plein de gens. D'ailleurs, à ce sujet, c'est comme... réagi, il a dit qu'il comprenait pas pourquoi The Miz, le lendemain à Raw, il a gagné avec le figure four. Il a pas compris pourquoi ils font gagner The Miz avec le figure four, alors que Flair n'a gagné quasi jamais avec ça. Qui a dit ça? Jim Ross. Ouais, mais Jim Ross, il faut qu'il prête, faut vraiment qu'il devienne booker la WWE. Bon, il a accessoirement dit aussi que le Miz devrait regarder les enregistrements de Ric Flair quand il le faisait. Donc, comme quoi, travailler Miz, ça ne plaît pas du tout. Ouais, donc, Mais moi, je sais pas, je le trouve crédible en face, moi. Non, mais concernant le figure four, ne plaît pas. Oui, mais ça, c'est un détail. Je suis désolé, c'est comme CM Punk. Je reviens encore là-dessus. La descente de culte de CM Punk, elle est dégueulasse, c'est pareil. Oh, bah oui, il y avait Vincent encore l'autre jour. Un match japonais, il n'y a pas photo, quoi. T'as un gars, il fait beaucoup mieux que lui, quoi. Il n'y a pas photo. Le problème, c'est que le Miz, il gagne ses matchs avec. Que Punk, sur sa descente du coude, il ne gagne pas avec. Donc, bon. C'est ce qui fait un peu tâche, quoi. Des fois, ça lui arrive de gagner des matchs comme ça à CM Punk avec une descente du coude. Ah bon, tu me le rappelles le match où il gagnait avec une descente du coude Alors, c'est à Raw, il en a gagné un ou deux, oui. Un ou deux, ouais. Bon, contre Mark Henry. Ah oui, parce que le GTS, là, c'est mort. Sinon, c'était l'Anaconda Vice, mais bon, ouais. Oui, mais après, c'est plus rare quand même que le Miz qui va porter sa prise en 4, on est d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Alors que maintenant, voilà, le Miz, le Skull Crushing finale a dégagé. Brusty. Non, moi c'est bon, j'ai donné mon avis, donc tu peux demander. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Gus. Tu disais que le personnage du Miz, tu l'appréciais plutôt en face. Mais moi, personnellement, j'accroche pas parce que c'est tout simplement le même personnage qu'en heel, sauf que la différence, c'est que maintenant, il affronte des faces. Donc, pour moi, il n'y a pas d'évolution dans le personnage. Donc, je trouve que le face turn n'est pas forcément réussi. Je suis pas d'accord, moi, qu'il a quand même... Bah, il n'a pas vraiment changé de gimmick, tu sais, maintenant, c'est quoi c'est... Le Miz, la gimmick du Miz, au final, c'est quoi? C'est un animateur de talk show. C'est un personnage arrogant, en fait. Tout simplement, oui, voilà. C'est ça que j'aime bien, un petit peu, d'avoir un face arrogant. Il n'a pas tellement... Très confiant et tout. Et... Moi, je il est tellement arrogant que les gens n'ont pas forcément envie d'applaudir, en fait. Moi, je trouve ça... que naturellement, il dégage quelque chose pour être... Ça, Miz, c'est fait de sa tête, en fait. Ouais, c'est ça. C'est sa tête, c'est dit de sale gueule, comme on dit. C'est Tifo. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? C'est un match qu'on peut voir à Raw tous les week-ends. Mmh. Tous les week-ends. Toutes les semaines, plutôt. Ouais, j'ai envie d'être en week-end. Non, mais oui, c'est vrai qu'on peut voir ça toutes les semaines. C'est d'une banalité récurrente. Donc, il n'y a rien à en tirer. La feud va continuer, on ne sait pas pourquoi. Parce que le Miz a gagné le lendemain. Voilà, bon, ça m'emballe pas plus que ça, mais après, qui c'est que tu veux mettre d'autre contre... Y a personne. Oui, voilà, c'est ça, donc autant la continuer, et puis bah, on verra si ça peut donner quelques bons trucs, on sait jamais. Ouais, ouais c'est vrai que bon, y a quand même des types à... Il y a quand même des types à pêcher, je sais pas, un Gabriel... Oui, mais ce qu'il y a, c'est la période de sel. Ouais, ça a déjà été fait. Non, mais c'est... Le truc, c'est que c'est la période WrestleMania et puis la WWE n'aura pas les couilles de faire pocher un jeune. Je suis désolé, quand tu vois comme ils ont eu les couilles avec Jack Swagger. Ouais, enfin maintenant, c'est quand même mal parti. Oui, bon, c'est mal parti, mais dans l'optique de base, ils ont. Oui, mais Jack Swagger, c'est quand même un ancien champion du monde poids lourd, quand même. Ouais, non, mais il revient du fond du gouffre, là, le bonhomme. Oui, je veux bien, mais bon, ça reste pas non plus un no-name. Parce que Justin Gabriel, il a pas fait grand chose, par exemple. Et Bo Dallas, il a fait quelque chose? Je l'emmerde, Bo Dallas. Et Bo Dallas, voilà, le mec, on n'en parle même plus, on sait même plus où il est. Donc, C'est clair. La WWE a enfin compris. Messieurs, tout le monde a dit ce qu'il pensait sur le match ou... Non, j'ai rien dit, moi. Ah, vas-y, Vincent. Moi, j'ai le même problème avec The Miz qu'avec Del Rio. Il y a un changement de personnalité, mais il n'y a rien qui a fait vraiment changer son truc, quoi. Bah, voilà, le mec, parce qu'il s'est aligné avec... Avec Tommy Dreamer pendant un match, il y a tourné quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Puis aussi le passement, l'échange de relais entre Ric Flair et The Miz, ça m'a pas trop plu non plus parce que ben voilà, c'était assez chiant. Et aussi le fait de faire des Miz TV toutes les semaines, c'est complètement ridicule quoi. C'est comme si t'avais ça a réduit un peu. Mais c'est comme si t'avais un cutting edge toutes les semaines quoi, ou un pay-per-view toutes les semaines. Et That Real aussi, il y en a eu un d'ailleurs la semaine qui a précédé. Ouais. Moi, les Miz TV, ça me dérangeait pas tant que ça. Quoi. Moi, j'ai jamais trouvé ça. C'était des segments, quoi. Ouais, c'est des segments. Bon, c'est assez répétitif parce que ça s'est fait. Oui, segments, voilà. Monsieur, moi, t'enlèves ça, le conflit, t'enlèves le logo Miz TV au final. C'est un segment normal. C'est des segments, les gars. Miz TV, faut pas non plus cracher sur. Oui, mais mine faut de pas rien, non plus cracher sur le produit tout le temps, quoi. Ouais, bon, ce soir, je crache sur le produit parce qu'ils ont fait de la merde. Mais de ce point de vue-là, moi, je suis d'accord avec Sébastien aussi. C'est quand même le personnage face du Miz, il s'est essoufflé. À mon avis, les Miz TV sont un reflet parce qu'il y en a eu tellement avec cette appellation et tout. Ça finissait par lasser même le public. Au début, il était enthousiaste et puis après, plus du tout. Donc, Ouais, le Miz, c'est assez quelconque ce qui se passe avec lui en ce moment. On verra. Juste si on peut dire quand même deux petits mots sur Cesaro. Juste avant que tu finisses sur Cesaro, je vais finir sur le Miz. Oui. On verra quand le film de Marine 3 sortira ce qu'ils vont en faire, parce que c'est à peu près à ce moment-là qu'ils devraient le pêcher pour essayer de forcer les ventes du... Pour l'instant, c'est Barrett. Ouais, voilà, il va s'apprêter à être mis en avant avec le dernier film, La Man Down. Ouais. Donc, oui, je voulais juste dire que Cesaro, lui, même si c'est vrai que le match il est quelconque, on aurait pu le voir à Raw ou SmackDown, ça c'est clair, hein, c'est clair et net. Mais oui, Cesaro, quand même, il est impressionant. Hein. Il est vraiment impressionnant. Cesaro, il est vraiment bon. C'est propre pour la WWE, Antonio Cesaro. Oui, c'est ce qu'on disait. Ah oui, parce qu'il avait réussi à faire un bon match avec Ali, donc à partir de là. Oui, ce mec, il est trop clean pour la fédération. C'est ce qu'on disait pendant le live. Moi, je me pose une question quand même sur Cesaro au niveau de ses pop et de sa hit. et qui n'ait pas beaucoup de réactions au niveau du public. Mais que par les grosses marques, quoi. Est-ce qu'il a atteint son... comment dire ? Son apogée. Qu'il a atteint son apogée au niveau du public ? Ah, moi, ça, il m'inquiète. Je pense pas. Ça dépend de son opposition. Ça dépend de l'adversaire qui aura, Cesaro. Cesaro, ça va réagir sur l'adversaire. Le plus haut, c'est The Miz. Bon, il y avait Ryback en show weekly, un peu... Ouais, très vite. Voilà. Il y avait eu R-Truth aussi, R-Truth, putain. Il a voilà, pas vraiment de feud marquante, en fait, c'est tellement quelqu'un. Il a pas vraiment eu de feud pour le moment. Exactement, ouais, donc on verra quand il aura une vraie bonne feud, mais en tout cas, il est là pour montrer le titre US, quoi, mais sans plus. C'est ça, ouais. En fait. Ouais, c'est ça, complètement, ouais. Après, peut-être aussi, sa gimmick de anti-USA marche pas trop non plus, quoi, parce qu'on l'a vu avec Swagger, ça marchait pas trop, sais plus qui l'avait, on avait sorti une aussi. Et je sais pas, ça a pas l'air de marcher sur les fans, quoi. Non, mais ça, la WWE, elle insiste sur ça. Ça marchait début 90 avec des mecs comme Jim Duggan, tout ça. Mais c'est fini, ça prend plus, ça. C'est terminé. Mais il continue. Ben oui, ça comprendra jamais. Il y a tout un mec qui est collé à ça. Donc, ouais. Alors, messieurs, est-ce que vous voulez passer au match suivant ? Ouais. Ben, quoique, Kevin n'a pas donné son avis sur Cesaro qu'il connaît très bien. Donc... Ah bon ? Oui, Kevin. Oui. Ton avis sur Antonio Cesaro, c'est très bien. Est-ce que tu sais qui c'est Antonio Cesaro ? Oui. C'est Claudio Castagnoli. Bah voilà, oui, quand même, j'allais le dire. C'est pas un petit nouveau. Donc, c'est une sorte d'Eli Bop en plus musclé. Ah, Eli Bop ! Ça, c'est bien trouvé, ça. C'était pas mal, cette vanne, tiens. Ouais, comme il est marqué, j'étais la WWE Renault of the Week. Merci. C'est vrai que c'est un bon exemple, ça, quand même, Renault. Non, j'espère qu'il ira loin. S'il peut nous faire un même parcours que Daniel Bryan, on va pas se plaindre. Ouais, complètement. J'aimerais quand même le voir avoir quand même une vraie rivalité. Je vais passer, messieurs. J'ai juste un tout petit truc à rajouter, Gus. Non, mais ça va être très court. Avec Boustier, on a vu la vidéo, tu sais, des petites interviews Backstage Fallout. Du dernier Raw, il y a une vidéo du Miz et on s'est dit putain, mais The Miz, c'est boobs. Enfin, le mec, oui. il va bientôt être en concurrence avec Biggie Langston, quoi. Alors, je sais pas ce qu'il a foutu avec ses pectoraux, peut-être qu'il fait pas ses musculations à ce niveau-là, mais putain, on s'est dit. Il en a pas autant que Maryse. Hein. Oui, bah, en même temps. Oui. Ouais, parce qu'on va tarder de boobs qu'une vie. Non, mais enfin, on vous passera la vidéo, mais c'est quand même assez choquant, quoi. Allez, messieurs, je vous propose de passer à l'Elimination Chamber match. Pour deux... Ah ouais, non, on va parler de ça. Hein. Je vous avais dit le mois dernier une composition possible pour l'Elimination Chamber. En fait, ils n'avaient pas diffusé la partie que je vous disais à SmackDown. Ils se sont dit, putain, c'est vrai que le match est pourri. Heureusement qu'ils l'ont fait. Oui, parce que Kali était viré, par exemple. Ouais, oui, exact. Et Kane a été rajouté. Rey Mysterio, oui. Henry, Swagger. Ouais. Ouais. Alors, je vais donc vous dire les compositions du match. Randy Orton contre Chris Jericho, contre Jack Swagger, contre Kane, contre Daniel Bryan et Mark Henry. C'était pour devenir donc challenger numéro 1 aussi de World Heavyweight Championship. Ça a duré 18 secondes. Et c'est Jack Swagger, à la surprise générale, qui a remporté le combat. Quoi. Ils ont porté leur coucougnette, hein, la WWE. Enfin. Enfin, si tu me... Je peux prendre la parole, Gus, ça dérange pas. Vas-y. Ouais, parce que j'ai envie de dire enfin, quoi. Parce que Jack Swagger, alors lui, il revient vraiment de très très loin. Parce que comme il était booké sur les derniers mois, sur la dernière semaine où on l'avait vu, là il était dans le match, mais bon, personne à part Ben, je crois que Ben avait pronostiqué, oui, sur le forum. Mais on le voyait pas, quoi. Je veux dire, Swagger, on n'aurait jamais imaginé ça. Et enfin, la WWE prend des risques. Moi, ça me fait extrêmement plaisir ce qui s'est passé. Parce que Jack Swagger dans le ring, il est très très bon. On le troll souvent sur ces derniers temps. En fait, c'est le booking qui le tuait totalement, ce mec. Parce que dans le ring, il est super. Au micro, il n'est pas tant mauvais que ça. Il y a pire. Il y a beaucoup mieux, hein, mais il y a pire. Et là, la WWE, juste avant WrestleMania, nous fait ça, quoi. Et tu te dis, enfin. Parce que à chaque fois qu'il nous book des mecs qui sont main eventers vraiment confirmés ou quoi, on dit, ah, il prend pas de risque. Voilà. Mais là, moi, je suis content. Voilà. Moi, perso, je suis vraiment content que Swagger... Et ce poste de challenger. Maintenant, la suite, on verra avec ce qui s'est passé. Je te laisse en parler, mais on verra bien. Et sur le match en lui-même, vite fait, la prestation de Marc-Henri, elle est énormissime. Elle est énormissime. Ah bah oui. Non, mais moi, le match, j'ai bien envie de m'y attarder d'abord, déjà. Parce que... ouais. Oui, mais on va s'y attarder, c'est clair. Match de la soirée. J'ai envie de donner la parole à Tifo. Alors, par où commencer ? Donc déjà, Swagger. Bon, alors, le fait qu'il gagne, ça me dérange pas du tout. J'aime bien Swagger, mais c'est son nouveau rôle, ah sa oui, nouvelle Zeb gimmick Coulter. Avec son copain pêcheur qui a une veste de pêcheur. Là, je sais. Non, mais sérieux, c'est quoi? Et puis même, il a une dégaine, il a une nouvelle dégaine, mais dégueulasse, ce Swagger. Ses cheveux, même, il a pris du poids, j'en sa sais rien. Sa barbe. Mais non, ça, mais c'est l'effet de la barbe. C'est l'effet mais barbe. J'en sais rien, mais même ses cheveux, enfin, je sais pas, le personnage d'avant était quand même, avait plus de classe dans un ring que celui-là. Je sais pas, il fait dégueulasse comme mec. Enfin, je suis vraiment pas fan du nouveau perso. Mais après, dans un ring, comme l'a dit Renaud, c'est quand même une valeur sûre, c'est quand même un très bon lutteur, donc c'est plutôt cool. Après, je reviens sur le match qui était... Moi, j'ai pris mon pied dans ce match. Enfin, tout le monde a bien tenu son rôle. Et puis Mark Henry qui a joué son rôle de destructeur à fond, qui a enchaîné les World Strongest Slam et tout, c'était vraiment excellent. Bon, après, je suis déçu aussi que Jericho n'ait pas remporté, mais bon, ça fallait s'en douter, vu qu'il part en tournée avec son groupe. Mais oui, de toute façon, généralement, les Elimination Chamber, je ne suis jamais déçu. Bah, là, j'ai pas été déçu, et heureusement, c'est quand même ce qui sauve le pay-per-view à mon goût. Ce qui sauve le pay-per-view... Bon, ouais. Ah si, c'est un bon match, quand même. Ouais. Bah, oui, non, non, non, non, mais ça, oui, on n'en verra pas. Ça, pour moi, ça n'en sauve pas le pay-per-view pour autant. C'était... Bah oui, mais quand le match signature du pay-per-view est réussi, c'est déjà pas ouais, mal. Voilà, c'est le match signature, et il n'est même pas pour le titre. Ah oui, mais ouais, ça, c'est pas leur faute, hein. Non, mais c'est pas la faute des mecs, c'est les bookers qui chient, ça. Bah oui, évidemment. La fois que ça arrive, hein, un Elimination Chamber pour une place de concurrent, c'est pas la première fois, hein. Oui, bon, après le fait qu'il y en ait qu'une, ouais, c'est sûr, mais bon. On pouvait s'attendre à pire, surtout le fait que ça soit annoncé sur la fin, on s'est dit mince. Bah moi, ça s'appelle Elimination Chamber. Ma seule déception, ce serait quand même. On n'a pas assez vu Brian pour moi. Il a été éliminé trop vite. Parce que déjà, le fait de faire commencer contre Jericho, Brian, Jericho, pour moi, c'était vu d'avance. Je me doutais que les deux allaient commencer, ouais, mais bon. Après, on ne l'a pas assez vu. Pour moi, je pensais vraiment qu'il aurait pu faire une grosse impression dans le chamber et non, ça n'a pas été du tout. Donc vraiment, ça, c'est ma déception du match. On l'a quasiment pas vu, quoi. Il était sorti le premier, il a eu son petit moment de gloire contre Kane, vite fait, vu qu'il annonce d'ailleurs la feud entre les deux, mais ça, je vous le dis depuis un mois et demi, qu'ils vont s'affronter à WrestleMania. Oui, moi j'ai bien aimé le combat aussi, hein. C'est le meilleur combat du pay-per-view, ça c'est clair. Par contre, ce que j'ai reproché, c'est qu'il ne s'est rien passé pendant 10 minutes. Comment ça? Dans le match. Oui, mais à quel moment? Je comprends pas. Ah, dans les 10 premières minutes, il se passait quasiment rien. Moi, dans les 10 premières minutes, je m'emmerde un peu. Ce que je veux dire. Ce qui est paradoxal, en fait, c'est que ce soit l'homme qui est à la base le plus lent, qui a augmenté le rythme du match. En Mark fait, Henry. Dès que Mark Henry est rentré, ouais, c'est ça. Dès que Mark Henry est rentré, ça a relancé complètement le match. Tu vois, j'ai trouvé. C'est vrai qu'il n'y avait rien du tout. Si, quand même, quand c'était Brian Jericho, ça allait quand même, quoi, c'était pas... Mais c'était tellement propre, c'était propre et technique. Oui, c'est ça, c'était du catch, du vrai catch, c'était du vrai catch, on savait très bien qu'à chaque tombée, il n'y aurait pas d'éliminé, bon, on attendait, c'est vrai ce que tu dis, oui. La fin sur l'élimination de Jericho, la séquence RKO, Lion Sot RKO, elle était quand même aussi... assez cool à regarder. C'est propre. De toute façon, la prestation de Jericho est absolument encore énorme. Oui. Oh là là. Déjà, au Rumble, il fait 48 minutes. Arrow, il fait un match de 18 minutes. Alors là, je vais te dire exactement combien il est resté temps. De toute façon, il a été éliminé très très peu avant la fin. Il est resté 31 minutes et 11 secondes. Ouais, il a fait tout le match, quoi. Il a fait tout le match. Et comme il le dit, il est dans un des meilleurs mois de sa carrière. Il n'y a pas photo, de toute façon. Et malheureusement, c'est maintenant qu'il repart. C'est vraiment dommage. Et il part pas longtemps, il perd une semaine au final. Il part pas longtemps, mais bon, ça stoppe un petit peu. Non, au final, ce qu'il va faire, c'est rater un euro, donc c'est pas non plus scandaleux. C'est deux semaines, il me semble, il va rater 2 euros. Bah oui, il va retourner. En fait, c'est une tournée couplée avec Metallica. Ils font en Australie, il me semble. Tu m'étonnes qu'il y aille avec Metallica. Mais ouais, c'est dommage parce qu'il est vraiment dans une forme, même on le voit quand même physiquement. Physiquement, on voit du pâté, le bonhomme. C'est clair, je suis vraiment fan. De toute façon, tous les mecs qui ont fait leur retour lors du match, ils ont montré une leçon. Bah, c'est Mark Henry, la vache. Ouais. Puis le bruit des impacts à chaque fois, là, dès qu'il balançait un mec, la vache. Quand il a balancé Orton dans le plexiglas, c'est pourtant un classique. Le bruit aussi quand Mark Henry se prend la souplesse arrière. Ah, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, non, mais c'est... Non, mais c'est vrai, c'était vraiment, c'était franchement sympa. Ah oui, bon, le match, il raconte une bonne histoire. Le passage de Kane Bryan est très très bon avec cette histoire. Kane Bryan, très bon, ouais, ouais. Avec Bryan qui va absolument faire le câlin. Yes, no, yes, no. Moi, ça m'a fait rire. Donc, non, non, il y a des bons moments. Et puis Randy Orton, c'est vrai qu'il y a le suspense qu'il pouvait gagner. Et qu'il j'étais, a fait un... j'étais persuadé qu'il allait gagner. Et d'ailleurs. Et en plus, ouais, il a fait aussi, la fin, il a sorti persuadé en... qu'il allait gagner, Orton. Bah, il était le grand non, favori. Ouais, mais en fait, moi, mais en fait, c'est tout à la fin. Moi, j'ai senti, c'est que quand il se centrait trop sur Jericho, là, je sentais le coup de fouine. Non, mais le match est super. Et que dans les 20 dernières secondes, quoi, en gros. Sébastien, on n'a pas entendu encore Sébastien sur le match, quand même. Donc moi, je disais que moi, j'étais personnellement persuadé. Enfin, je m'étais imaginé tout un scénario dans ma tête que Chris Jericho allait remporter le combat et que Dolph Ziggler avait au préalable encaissé sa mallette, ça nous aurait fait une belle confrontation, Ziggler-Jericho à WrestleMania. Bon, malheureusement, ça ne sera pas le cas, ou peut-être dans un match simple, on ne sait pas. En tout cas, la victoire de Swagger, moi, m'a surpris, je m'y attendais, mais alors absolument pas du tout. Au final, je suis quand même plutôt agréablement surpris, parce que c'est bien de relancer un personnage qui était totalement mort il y a encore 3 mois, et oser le faire à quelques jours de WrestleMania, fallait le faire quand même. Ouais, non, mais c'est clair. Vincent. Bah moi, j'étais alors surpris, oui et non, par la victoire de Swagger, parce que je me disais en même temps, pour affronter Del Rio, ils vont pas mettre Orton. Orton est face, même s'il va sûrement tourner heel dans pas très longtemps. Après, on s'en fout. Hein, mais... Oui, pas fou. Mais. Merci vous aussi. Après, je voyais pas Bryan et Kane gagner parce que je sentais qu'ils allaient faire une rivalité entre les deux. Donc pour moi, il n'y avait que Henry ou Swagger qui pouvaient gagner. Donc j'étais plus sur Henry qui fait un retour vraiment fracassant. Mais c'est vrai que là, sa victoire Swagger, elle est logique et puis ça peut faire un bon petit match à WrestleMania. Bon, malheureusement, depuis, il y a eu un petit événement. Mais sinon, le Chamber, il n'y a pas un petit élément de folie, mais il est solide quoi. Mais faut pas oublier que avec Vincent pour Instant 4, tu l'as commenté ce match. Oui, Instant 4, avec bonsoir. Segment traduit et tout. Ok, la classe. Tiens, on n'a pas beaucoup parlé de Zapp Coulter. Ouais, mais il sert à rien lui, de toute façon, putain. Oh non, mais il a un rôle énorme non. À la WWE quand même. C'est sûr qu'il est arrivé devant les caméras, enfin revenu devant les caméras du jour au lendemain, mais il a eu un rôle énorme partout où il est passé. WCW, ouais, mais c'est le passé, on s'en fout du passé, personne le connaît quasiment. Le mec, il a une dégaine de pêcheur, il parle, on sait même pas ce qu'il dit. Non, franchement, je le trouve inutile. Ah non, je trouve qu'il rapporte un élan de fraîcheur au personnage de Jack Swagger qui est vraiment non négligeable. Le mec a aucun look, je trouve. Mais oui, il a aucun charisme, c'est exactement ça. Le mec, il apporte non, mais rien. Son rôle, c'est d'être l'américain moyen. L'américain oui, moyen, les gars. Justement, doit. Il ressemble à ça, l'américain moyen ? Et bien sûr, oui. C'est ça le truc. Les pauvres. Là, c'est une caricature d'américain. Pourquoi c'est un pêcheur du dimanche qui va pêcher dans sa barque et qui attend le poisson ? Non, mais ce mec-là, quand même. Il m'en a dit avant Bradshaw à ses débuts, JBL. Ouais, mais il avait pas ce look-là, quoi. Ah non, mais juste, je reviens juste sur. Oui, non, mais il faut juste qu'il se rase sa barbe, quoi, on est d'accord. Non, mais ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du. C'est son truc. Juste, je voulais dire que voilà, il a quand même un passé, il sort pas non plus de nulle part. C'est quand même un mec qui est dans le cadre depuis des années et qui est respecté en coulisses. Maintenant, vous l'aimez pas, voilà. Non, mais le problème, c'est. C'est pas spécialement non plus, mais il apporte un truc à Swagger, hein, ce mec. Moi, j'en suis sûr que ce gars, qu'il fait bider un peu plus. Quoi. Ah on n'a pas parlé de la nouvelle musique. Pas du tout, il apporte une hit, clairement. Mais le changement de look de Swagger, il est lié à ce mec-là aussi. Hein. Comme Tifo, il en parlait tout à l'heure. De quoi, le mec, il n'est pas connu. La première fois qu'il est arrivé, tout le monde disait sur Twitter, mais c'est qui ce type ? C'est sûr. Moi, écoute, il y a beaucoup d'incultes du catch. Moi, j'y peux rien. Dutch Mantel, ça vous dit toujours rien. Hey, mais nous, on est des récents fans. Non, j'ai pas 48 ans, moi. J'ai pas ton âge. Il y a Chrono et moi alors. Non mais c'est pas. Non mais c'est clair. Mais c'est vous pas êtes vieux tous les deux aussi. Non mais c'est pas le plus connu. C'est pas le plus connu. C'est clair. C'est clair que le mec c'est pas le plus connu. Ouais. Bien sûr. Non mais encore il aurait du charisme. Il aurait du charisme. Ok. Mais là le mec il a le charisme d'une huître. Sérieux. C'est un américain moyen. Comme disait Moran à Flo dans La Nouvelle Star, il a le charisme d'une baignoire australienne, une connerie comme ça. Alors là je suis vraiment pas du tout d'accord. Honnêtement le charisme il l'a. Ouais. Bah, il joue parfaitement ce qu'on lui demande de jouer. Voilà, l'américain moyen. Ça, c'est parfait. L'américain moyen qui requiert sa caméra comme un gland. Voilà, c'est un peu ça son truc. Mais bon, ça, c'est un débat qu'on peut faire pendant 3 heures, les gars, franchement. Hein. Ouais, non, mais on va pas parler de ça non plus. Ouais. Parce qu'on va parler quand même du cas Swagger qui est arrivé mardi. Mardi, après les enregistrements de SmackDown, il s'est passé que Monsieur Jack Swagger s'est fait arrêter en possession de drogue et en état d'ébriété. Conduit aussi beaucoup. C'est que Swagger a fait un essai de vitesse et qu'il était au volant de son véhicule. Du coup, on a vu une photo de lui arrêté par les flics et il se courait actuellement dans les couloirs de la WWE, qui pourrait perdre son title shot à WrestleMania. Bah, ce serait logique. Oui, ça serait complètement logique. Bah, c'est logique, leur règlement. Parce que le problème. Non, mais là, peut-être, on touche le problème Swagger, c'est que la dernière fois, il s'était grillé en cachant, quand il avait caché qu'il était devenu champion, et là, il était devenu exécrable d'un coup. Donc, peut-être que dès qu'il atteint la gloire Swagger, bah, il sombre. C'est curieux, mais. C'est dommage. Là, je sais pas si. Bon, il peut-être aussi pas de chance. Hein. Ouais, ça tombe très mal parce que. Non, mais je défends Swagger, il va chercher, c'est arrivé, mais bon. Oui, il a eu la même rencontre qu'Evan Bourne avec Marie-Jeanne. Ouais, bon, bah, non, mais je défends pas Swagger aussi, parce que franchement, voilà, le mec, bon... Bah oui, c'est indéfendable, c'est une grosse C'est indéfendable, mais je veux dire, ça sort maintenant, parce qu'il y a aussi Internet. Hein. Avant, les mecs, Scott Hall, avant, quand il était Razor Ramon, il se dopait. Shawn Michaels, il était champion intercontinental, il s'est fait de la coke. Tous les excès dans les années 90. Il a dit dans son livre, Shawn Michaels, en 95-96, le mec, il sniffait de la coke dans les chambres d'hôtel. Vince McMahon, il était bien au courant de tout ça. Dame, il a été chopé avec de la coque et sa boue dans la voiture. Il était champion du monde en 2006. Non, mais de toute façon, toutes les légendes là que beaucoup de monde croit impeccable. Mec, c'est pas dessin. Faut pas croire que Swagger il est seul au monde. C'est juste ce que je dis. Maintenant, il a pas à faire ça, c'est clair. Mais il est pas seul au monde, c'est tout. Surtout dans ce milieu-là, voilà. Eh oui, c'est le milieu des excès, un peu le catch. C'est vrai que parfois. Ouais, les mecs sont loin d'être clean. Ils sont très loin d'être clean. Ah, et la pression et tout, on craque. Enfin, à peu près tous se sont fait choper au moins une fois. Là, bon, messieurs, je vous propose qu'on passe à la suite, non enfin, Kevin n'a pas donné son avis encore. Oui, Kevin, sur le cas Marie-Jeanne. Sur Marie-Jeanne, écoutez, une bonne copine des catcheurs, hein, comme j'ai écrit sur le chat. Moi, je suis un petit peu déçu du cas Swagger, parce que je me souviens, on en avait parlé à WrestleMania 26, il avait eu la gimmick un petit peu de Kurt Angle, on se disait, tiens, ça y est, il peut peut-être être relancé comme ça, puis finalement, il a disparu, puis pouf, il réapparaît comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis bon, là, en plus, il est dans la merde, donc à mon avis, c'est fini pour lui. Hein. Je pense pas qu'il aura trop de chance. J'ai vu une photo, comme quoi il disait, je m'en fous, je vais partir à la TNA, une connerie comme ça, non? Bon, ça serait pas plus mal d'un côté. Il y en a eu plein des photos comme ça. Non, mais bon, c'est triste. Après, je me demande aussi qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant que... Enfin, je pense qu'ils vont... Alors, enfin, il y avait alors, Mark Henry. D'une alternative, alors, je vais vous dire. On parlerait donc de Mark Henry, de Randy Orton ou de CM Punk. Et Dolph Ziggler, il n'a pas la manette. Le dernier sujet, moi, je préférerais en parler tout à l'heure, mais... CM Punk, à mon avis, non. Moi non plus. Mais Mark Henry, j'y crois clairement aussi. Ouais. Dans un triple threat, c'est possible. De toute façon, il faut un heal. De toute façon. Et puis Dolph Ziggler qui cacherait à la fin, ça me semble couru tout ça. Tu sais, ils peuvent faire un face contre face, hein, ça s'est déjà fait, mais bon. Non, la WWE n'ose pas trop ça. WrestleMania, elle n'oserait pas trop. Elle a déjà Rock contre Cena, peut-être. Alors. Est-ce que Ziggler ne cacherait pas avant et ferait comme Bryan la dernière fois en disant... Je pense que Ziggler, il va pas cacher en weekly. Il va cacher maintenant. Ziggler cachera WrestleMania. Ziggler, il va cacher. Ça serait nouveau, n'empêche. Oui, voilà, c'est ça en plus. Donc bon. Ça serait assez énorme et assez marquant. Moi, je pense que Mark Henry peut très bien affronter Randy Orton dans un match numéro 1 contender dans un SmackDown. Et puis lancer une fête sur j'espère qu'ils vont faire quand même une petite histoire de storyline avec le cas Swagger. Parce que... Bah, ils sont obligés parce qu'il va c'est pas possible. Prendre une. Non, parce... il va... non, mais il va pas perdre son titre de challenger comme ça. Au prochain SmackDown déjà, Swagger a affronté Orton parce que Orton, justement, il voulait un petit peu reprendre la place de Swagger. Swagger a gagné en trichant, donc c'est fort possible que la prochaine fois, il fasse vraiment affronter Orton et Swagger pour pousser Orton. Avec peut-être Henry qui sera dans l'eau. Ouais. Mais ils avaient déjà prévu ça un peu bizarrement. C'est curieux. Avant l'incident, j'avais l'impression. Peut-être qu'ils s'y attendaient. Ils étaient peut-être pas sûrs de leur coup encore. Enfin, c'était. De toute façon, apparemment, c'est le gros bordel niveau WrestleMania pour booker. Enfin, c'est. Mais non, mais c'est je sais un pas peu la panique veut... apparemment. On se fait chier. Ah oui, mais totalement. Mais... C'est l'un des pires World Tour WrestleMania de l'histoire de la WWE. Ça, c'est clair. Ah oui, il y a un tas de mecs qui sont pas utilisés. Ils savent même pas quoi faire. Alors, Wade Barrett, champion intercontinental, rien du tout. Même CM Punk, quand même, on sait même pas ce qu'il va faire. Non, voilà. mais je t'explique, CM Punk, maintenant, il va aller dans le titre pour WWE. Oh, oui, oui, complètement. Ah, mais ça fait deux mois que je le dis, moi, perso. J'espère, mais ça dépend. En fait, CM Punk dépend de l'Undertaker. Pour moi, c'est ça. Non, mais l'Undertaker, il ne reviendra pas. C'est trop tard. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'attends le prochain round. Non, mais pour le Taker, c'est trop tard. C'est trop tard. Pourquoi tu veux lancer? Tu peux pas la lancer, la feud, d'un coup. C'est pas possible. C'est proche, ils veulent pas... Il reste 6 semaines. Non, mais de toute façon, c'est proche. Ils veulent pas que le Taker il catch. Moi, j'attends le prochain Raw. Honnêtement, j'attends le prochain Raw. De toute façon, ils ont Lesnar aussi. Donc, ils n'ont pas besoin du Taker. Il y a les arguments en vente. Donc, Il n'est pas prévu un Lesnar Triple H si. Oui, complètement, bien sûr. Oui. Donc, c'est ouais, le Taker. De toute façon, Lesnar est sur l'affiche déjà. Alors. Oui, Lesnar Triple H, oui, bien sûr. Ouais. Donc, le Taker, c'est mort à moins. Peut-être pour le 30e anniversaire. Mais... Je pense. Pourquoi pas. Je pense. Non, mais. Il faut qu'il s'arrête maintenant, le Taker, il a 20-0. 30e anniversaire à Nouvelle-Orléans, au passage. Ouais. Non, mais là, c'est au Superdome qui a accueilli les deux derniers Super Bowl, par exemple. Donc, c'est un truc vraiment qui a l'habitude de... d'augmenter la tension et tout. C'est pas Madison ? Non. Madison, Vermiplas à WWE depuis des années. C'est ça, surtout. Et c'est habitué au grand stade, donc, ouais. Parce qu'à un moment, ils avaient parlé du Cowboy Stadium de Dallas. Fashion. Bah ouais, mais le Stade Fashion actuellement, c'est le Dôme de Nouvelle-Orléans, donc pas de surprise. Ah ouais. Mais après, qui dit grand stade ne dit pas forcément grosse ambiance. Ouais, mais celui-là, c'est un stade fermé. Si c'est un stade fermé, ça va envoyer du pâté. Le dernier stade qui ressemblait au Superdome, c'était le Reliant Astrodome de WrestleMania X7. Donc bon, on peut espérer que ça porte bonheur. Ah, mais c'est plus pareil. Ce sera pas la même ambiance, mais bon, on peut espérer. Je vous propose de passer à la suite. Ouais. Messieurs, la team John Cena, Sheamus et Ryback ont affronté The Shield de Seth Rollins, Dean Ambrose, et Roman Reigns. Ça a duré 14 minutes et 50 secondes, messieurs, et The Shield a remporté le combat en faisant tomber sur Ryback. C'est la première fois que ça arrive de voir Ryback faire un tombé après une prise et non un roll-up et un coup de pied et un coup de coude dans les coucougnettes, hein, ça faut le rappeler quand même. 5 défaites consécutives en pay-per-view pour Ryback, ça fait beaucoup. Certains pensent que c'est déjà la fin pour lui, un broustille. Moi, je pense. Oui, si. Non, ça sera pas la fin pour Ryback. Je te le dis comme ça. Mais pour quelle raison? Toi, tu promets une grosse victoire. Non. Mais contre qui à WrestleMania? Contre qui? Je t'assure, il va gagner à WrestleMania. Contre qui? Ouais, je rejoins Gus. Moi aussi, je sais pas, mais il va gagner à WrestleMania. Ouais, pourquoi pas? Mais en fait, ces défaites, il n'est pas solo. Qui est plus dans le match pour le titre. Mais bon, au final, ces défaites ne sont pas scandaleuses non plus. Hein. Enfin, à part c'est pas en solo, ces défaites, c'est ça le truc. Oui, ouais, le personnage s'est essoufflé, à mon avis. Mais non, c'est pas que son personnage s'est essoufflé. Il souffre, et puis à mon avis, il va souffrir du retour de quelques bigs. Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est que le personnage s'est pas essoufflé, dis-moi. Parce que... autant de pop qu'avant, c'est surtout parce qu'il n'est plus en course pour le titre, c'est normal. Non. Mais si. Si vraiment il avait tenu sa pop, il est tout le temps main event en plus, vu qu'il est encore avec les têtes d'affiche. Donc, Bah attends, il est plus en main event là pour le moment. Bon, il est plus en main event en attendant. Bon, il fait quand même équipe avec Senna et ça a clôturé des rôles. Donc, Il y a quand même pire, mais sur le booking, même s'il prend le tombé dans ce match là, je veux dire, au moment où ça se réveille vraiment le match, c'est quand Ryback il rentre. Hein. C'est Ryback qui a foutu le feu. Ryback il a foutu le feu. Le booking de Cena, bordel de merde. J'aime pas qu'on book Cena comme ça dans des matchs. Putain de merde, ça m'a rappelé le Survivor Series 2011, son match qui était ennuyant à mourir. Non, mais moi ça m'inquiète pour WrestleMania en plus. Non, on fait pareil quoi, bordel, non. Moi j'aurais des cannes. En plus, avec l'aide du public, le public aurait mis un petit peu d'ambiance. Non, mais ce qui est grotesque, c'est que celui qui a la plus longue histoire est Ryback, c'est Cena. Et Cena, il est ridicule. Après, il faut un mec qui soit dominé. Parce que Sheamus a dominé, Ryback a dominé, donc il fallait que Cena soit dominé. De toute façon, c'est le Cena, il se fait toujours dominer. Tu sais, Cena, c'est un peu le Hulk Hogan des années 90. Hogan, il commençait bien les matchs, puis il se faisait dominer, puis après, il revenait sur la fin. Hein. Sheamus aussi, il se prend un spear contre la rambarde. Sheamus, il a servi à rien dans ce match pratiquement. Roman Reigns, Roman Reigns, il est sorti grandi du combat, je trouve. Celui qui est tombé en plus. Non, mais la prestation de Shield, l'enseignement, les gars, c'est quand même The Shield qui le remporte encore. Mais clean, là, il n'y a rien à dire, vraiment. C'est clean, mais ils ont quand même un push de malade. Enfin, c'est. C'est ouais, impressionnant. C'est et puis, ils sont vraiment super. Ouais. Ces trois gars, vraiment, c'est vraiment un super bon trio. Tu as Roman Reigns qui est le destructeur. Tu as Seth Rollins qui est super bon dans un ring. Puis, tu as Dean Ambrose, le mec qui a un charisme pas possible, enfin, qui est excellent partout. Quoi. Enfin, c'est vraiment un super groupe. Ils ont vraiment eu une super idée avec The Shield quand même. J'étais perplexe, moi, au début, quand j'ai vu Roman Reigns. Et là, franchement, je suis convaincu du bonhomme. Après, est-ce que quand il sera en solo, ça sera pareil, je pense pas. Ah, oui, c'est ça. Après, on ne sait pas en solo. Mais pour le moment, franchement, les trois types, ils envoient du pâté. Ouais, d'ailleurs, en fait, leur destin, possiblement, pourrait s'orienter un petit peu vers le titre de champion. Hein. Enfin, pour deux, hein, parce qu'ils sont beaucoup testés à Nash Show déjà. C'est surtout Rollins et Ambrose qui sont testés à Nash Show. Ouais, c'est normal, c'est deux plus complémentaires après. Mais il ne faut surtout pas faire de Rollins ou un Ambrose comme un Slater ou un Gabriel. Ça serait une putain de connerie. Bon, déjà, ils ont déjà beaucoup plus de crédit en ayant battu Cena, Ryback, Sheamus. Ah non, mais attends, je te rappelle que Heath Slater et Jesse Gabriel aussi, ils ont déjà battu Cena. Ouais, mais Nexus, ils étaient 7. Là, ils sont 3. Donc, forcément, pour se montrer, c'est un peu plus facile. Quoi. Ouais. Moi, j'arrive pas à voir où est-ce que le Shield va aller en fait. Quel est l'objectif de ce clan? Où est-ce qu'ils vont? J'arrive pas à me projeter en fait dans l'avenir. Et ils sont là, ils font l'impact et eux, leur but, c'est de faire l'impact. Le but, c'est qu'on parle d'eux et c'est ce qui fonctionne. Oui, pour le moment, ouais. Pour le moment, ils en sont là. Faire un impact, être là présent. Ils ont été présents à deux pay-per-view où ils gagnent deux victoires sur des mecs qui sont main eventers. Je veux dire, c'est vraiment. Ils dominent le match sur John Cena pendant pratiquement tout le match. Et tu veux que je te dise quelque chose? Je veux. Et heureusement pour eux, au final, qu'ils n'étaient pas dans le Royal Rumble. Et je suis totalement d'accord avec toi. Oui, vu qu'aucun aurait gagné, ils auraient été dans le Royal Rumble, ils seraient fait éliminer un par un. Le clan aurait été foutu. Non, et puis même, ça aurait été enlevé une certaine crédibilité du groupe. Ouais. Là, parce que bon, Cena, Ryback qui passe par-dessus la troisième corde, à la limite, c'est parce que c'était Cena. Oui, c'est la finale, bon, voilà. Ça peut arriver, mais bon. Non, mais c'était pas mal. Heureusement pour les trois qu'ils n'étaient pas dans le Rumble au final. On était tous un petit peu déçus de ne pas avoir vu The Shield, mais au final, heureusement. Non, heureusement. Ouais. De toute façon, quand tu bookes un clan en Rumble, il faut bien le faire. Par exemple, moi, je trouve que Legacy avait été très, très bien booké pour la victoire d'Orton au Rumble 2009. Ouais. Voilà, là, c'était bien booké. Les mecs sont restés jusqu'à la fin avec lui, pratiquement. Et puis après, ils ont réussi à sortir Triple H. Enfin, Triple H avait sorti Cody et Teddy Biasi. Puis après, Orton avait pu sortir Orton, Triple H. Mais tout ça, c'est arrivé en moins de 5 secondes. Hein. Voilà. Donc, c'était très bien booké. Donc, heureusement que le Shield n'était pas, parce que Punk, en plus, n'était pas dans le Rumble. Il n'était pas prévu. Donc, c'est très bien comme ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Vincent. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Hein. The Shield sera forcé de ce match, particulièrement Reigns. Alors, moi, j'espère qu'ils vont garder un maximum Reigns. Enfin, le groupe comme ça, ou Reigns en équipe, parce que en solo, ça marche vraiment pas. Enfin, de ce que j'ai vu après quand il était à la FCW, après, bon, forcément, il a pris du galon depuis. Mais après, ouais, je suis comme Sébastien, je sais pas ce qu'ils vont faire avec The Shield. Notamment WrestleMania, pour l'instant, à part faire un 3 contre 3 contre 3 main eventers qui n'ont rien, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire. Après, on verra par la suite, mais c'est le match est moyen, mais ça va encore, quoi. C'est pas dégueulasse. Bah, franchement, le match est bon. Sheamus, quand Sheamus est dans le ring, c'est pas mauvais. Cena rentre, c'est pas que l'action dans le ring est mauvaise, mais c'est qu'il y a une surdomination de The Shield. Ah, mais là, c'est logique. C'est les couilles. Je suis d'accord. Mais bordel, non, mais j'aime pas quand Cena est booké comme ça dans les matchs parce qu'on se fait chier au final. Oui, mais en même temps, si tu bookes surtout si le public est pas dedans. Si tu bookes pas comme ça, il va faire quoi? Il va rentrer, il va tout défoncer, il va gagner le match? Non, pas forcément, mais faire plus d'interactions avec les autres membres de son équipe, quoi. Ouais, mais en même temps, là, c'est pas une équipe, c'est trois mecs solo qui en veulent au Shield, quoi. Ouais, non, mais bon. Non, il y a que sur Cena, Gus, que tu peux faire dominer le Shield comme ça par rapport à Ryback et Sheamus dans sa team. Non, mais que ce soit n'importe qui, j'aime pas quand il y a une surdomination comme ça, parce que je m'ennuie, en fait. Moi, il faut qu'il y ait de l'action dans un match, en fait, c'est pour ça. Je m'ennuie facilement, moi. Il y a Orbaz, qu'on salue, notre copain Orbaz, qui va faire une petite parenthèse. On salue Orbaz. Salut Orbaz. Salut tout le monde. Il n'a pas vu le pay-per-view comme Kevin, je précise. Je n'ai pas vu le pay-per-view, je ne regarde plus la WWE depuis quelques semaines parce que bon, J'ai beaucoup de boulot en dehors. Enfin bref, ça c'est ma vie privée. Mais je voulais rajouter quelque chose sur le sujet du Shield. C'est que le problème, ça va devenir un petit peu comme le Nexus, à mon avis. Ça va devenir comme tous les groupes qui sont passés un petit peu avant. C'est qu'au fur et à mesure, ils vont plus savoir quoi en faire. Là, pour l'instant, ils font des belles victoires contre Sheamus, Ryback, Cena et contre le lendemain contre Sheamus, Ryback et Jericho. Oui, mais attends, il y avait une différence parce que Nexus, eux, ils ont perdu vraiment leur gros match d'entrée, eux. Oui. À SummerSlam, donc. Ouais, on est d'accord, oui. Mais Nexus, il y avait quand même une grosse optique de mettre en avant un personnage qui était Wade Barrett. Ouais. Là, on voit les trois qui sont une sorte d'armure pour Punk normalement, mais au final ils sont pas avec Punk, donc on sait pas trop ce qu'ils font, on sait pas trop quels sont leurs objectifs, mis à part cette soi-disant injustice. Mais voilà quoi, ce groupe avance sans but, certes il est très fort, mais il a aucun vraiment objectif clair et défini, ce qui fait qu'on va vers nulle part. Et au final, je pense que ce manque d'objectif clair et net va les plonger vers une. Vers au final un désintérêt, et on va tous les perdre un par un, et ils vont se séparer sans trop savoir pourquoi. Enfin voilà, c'était hors base. Merci, voilà, hors base. C'était mon monologue du. C'était la minute hors base. C'était voilà, la minute hors base. Un Russell Radio sans mon monologue. Et perroquet là-haut. Voilà. Tu dis hors base. Donc bah voilà, ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci Urbaz pour ton intervention. On te retrouve très prochainement dans les supermarchés Aldi. Maintenant, on est obligé de citer Cdiscount et Carrefour Market. Voilà, ça c'est fait. Qui n'a pas causé sur le match, messieurs? Ou même sur le Shield, hein, si vous voulez continuer le débat d'Urbaz. Bah, moi, oui, je voulais continuer très légèrement sur le match. Juste souligner une dernière fois le. Bon, pour moi, le match, j'étais un petit peu déçu. Bah, j'aurais préféré qu'il soit dans une élimination de Chamber, sachant qu'ils étaient 6. Je me suis dit, pourquoi pas le scénario de fou, ça me semblait logique. Ça aurait surtout été cool. Dans une, surtout dans une rivalité quand même privilégiant un peu la violence et les trucs comme ça, donc ça aurait pu être sympa. Et puis Cena, ouais, non, mais en plus, dans le match, il fait un mouvement, il le rate complètement. Voilà, après. Bon, à la fin, il fait l'attitude adjustment, ça fait un peu le personnage qui fait un peu son truc à part, parce que juste à côté, Ryback s'est fait piner, donc ça c'est n'importe quoi, ça, parce que le mec, il aurait pu quand même venir essayer d'empêcher le tomber, mais même pas. Oui, c'est ça qui m'a dérangé, ouais. Ah oui, et la souplesse arrière de Cena, mon dieu, tu fais bien d'en parler. Raté, c'est beau de chier, oui. Voilà, donc le mec, il est vraiment live, très très limité. Pas, il avait pas noté au commentaire, je crois qu'il avait noté même. Ah ouais. TBL, je crois qu'il avait noté, j'ai pas fait gaffe, mais il me semblait bien, oui. D'accord. Kevin, peut-être sur The Shield. Tu connais les trois ou ouais, vaguement. Pas du tout. Je connais les trois vaguement. J'ai vu qu'ils avaient fait des belles interventions à Raw. Mais après, comme a dit Pyro, hein, il a eu le bon discours. Je pense que ça va faire comme Nexus. Ça veut dire qu'ils vont être bien présents. Et puis le plus gros risque, c'est après quand ils vont passer tous en solo. On verra bien ce que ça donne, mais ça peut être en tout cas une belle équipe. C'est vrai que depuis la Nexus, il n'y a pas eu de grosse team vraiment qui a bien marqué la WWE. Ben non, c'est pas évident. Et puis, c'est des mecs qui viennent toujours du stade en dessous, vu qu'ils viennent directement d'NXT. Donc, à chaque fois, c'est un laboratoire. Donc, non, mais c'est vrai qu'à WWE aime bien lancer environ tous les 2-3 ans, des fois un clan puissant qui arrive, et puis voilà, enfin, ou qui se constitue, et là ils l'ont, ouais. Et puis dans l'eau, c'est vrai qu'à part Dean Ambrose, lui, à mon avis, il devrait avoir une carrière, j'espère, même un peu plus haute qu'à la Wade Barrett, parce qu'il a, il a un peu ce même côté leader, mais il est même encore meilleur que Barrett, donc j'espère qu'il fasse mieux, donc. Après Rollins, le truc c'est que il pourrait faire une carrière à la Bryan, alors que Reigns en solo, ouais, ça pourrait être le danger pour lui. Ouais, faut voir. Par contre, enfin quelqu'un qui sait faire un spear. Le spear de Roman Reigns, il est juste énormissime. Il me rappelle celui de Goldberg ou de Rhino à l'époque. J'adore Edge, hein. Edge, je kiffe Edge, mais alors ses spears à côté, ça n'a rien à voir. Ouais. Messieurs, est-ce que vous voulez passer à la suite? Je vous fournis une petite statistique gratuitement également. Au passage, c'était depuis Extreme Rules 2012, c'est-à-dire en mai, John Cena n'a gagné que 2 fois en pay-per-view. C'était Money in the Bank et le Royal Rumble. Donc beaucoup. Bon, faut dire aussi qu'il a été blessé aussi. Il a raté 2 ou 3 pay-per-view, je sais plus. Oh non, pas beaucoup. Non. Il a raté les séries, c'est tout. Mais... Non, il était là au series, il a raté. Ah, il a raté In the Cell où il y avait Ryback. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, c'était le seul cas de figure. Voilà. Oui, voilà. Non, c'est juste qu'il a eu une année de 2012 de merde, quoi, c'est tout. Oui, de merde. Mais sinon, il fera le main event de WrestleMania. Et voilà. Narmoul. Allez, messieurs, c'est parti. On va passer aux deux. Les deux post-pipi. On va en parler un quart d'heure de chacun. Là. Deux post-pipi. Dolph Ziggler a battu Kofi Kingston en 3 minutes 57. J'ai rien à dire là-dessus, messieurs. Ah, moi, par contre, si. Ouais, moi aussi. Non, mais si, à part à quoi a servi la victoire de Ziggler à TLC, mais... On peut pas parler des nouveaux tatouages de Kofi Kingston dans le dos, non, personne. Ah, il a des tatouages, pauvre. Ouais, il a des tatouages. Ouais, non, le problème, c'était attention, ça va être la minute noire. Ah, mais je m'en doutais que ça allait être lancé. Les tatouages sur une peau noire, oui. Non, mais les tatouages sur une peau noire, sauf quand les tatouages sont blancs, tu les vois pas. Je les ai pas vus. C'était la minute raciste de WrestleMania. Alors là, c'est n'importe quoi. Mais attends, si j'ai bien compris, c'est surtout pour promouvoir une sorte de rivalité avec Biggie Langston, non ? Non, j'espère pas. Si, à l'arrivée, avec un public, dis donc, tout droit sorti d'NXT. Hein. Ouais, Sébastien pourra en parler, mais... Ah ouais, avec les fameux one more time, en fait c'est ce qui est scandé également à NXT parce que Biggie Langston a l'habitude de porter plusieurs fois sa prise de finition après un combat et en général le public le réclame à nouveau donc ils disent one more time. Ah, mais parce qu'il sait faire que cette prise alors. Okay. Oui, c'est ça le problème. Oui. Plus qu'il y avait lui aussi qui faisait plus qu'il porte aussi pas mal quand même. Ouais. Non, mais sinon, c'était vraiment cruel. Oui, ça, il apporte très bien, mais c'était vraiment cruel pour Kofi parce que le mec, il n'y a pas longtemps, il était encore champion. Mais là, bon, ben, c'est fini. Enfin, encore une fois, lui, il a l'habitude. De toute façon, on est up and down. Mais Kofi Kingston, il a trop. Kofi Kingston, il sert de jobber de luxe. Eh oui. Le pire, c'est qu'il est présenté par Booker comme meilleur que Ziggler. Ouais, bon, ben, admettons. Ben, là, c'est cruel parce que, bon, ben, Ziggler. Super en 3 minutes et 50 secondes. Mais surtout voilà, que Ziggler, il gagne clean, quoi. Il se sort du Trouble in Paradise tout seul, quoi. Donc, c'est ça, les mecs, ils se sont affrontés. Combien de fois ils se sont affrontés, un truc de dingue. Oui, voilà. Puis à l'époque, ça durait vraiment. Bon, ils se tiraient la bourre, tu voyais le truc là. Tu sens vraiment que c'est le match bouche-trou et que Ziggler, ça y est, lui, il a vraiment passé une étape. Bon, il gagne Kofi sans problème. C'est un peu ça le truc au final. C'est que Ziggler, c'est pour montrer aussi que Ziggler, malgré que ce soit un match bouche-trou, il a pris une autre dimension et Kofi, lui, il stagne. Mais je pense que c'est ça, au final. Kofi Kingston s'est surtout heurté au plafond de verre un peu trop fort ce coup-ci. Et là, je crois qu'il a sommé pour de bon. Merci pour ta métaphore. Oui, voilà. Oh, bah, c'est un article de Vincent sur Carnet Sport, au passage. Ouais, oui. Je propose qu'on passe au match de Diva. J'ai pas trop envie de m'attarder sur les deux post-pipi, si vous voyez ce que je veux dire. À moins que quelqu'un ait quelque chose à dire sur Dolph Ziggler et Kofi Kingston encore. Mais... Oui, on peut passer au match Diva, ouais. Oui. Les Divas, Caitlyn a battu Tamina Snuka sans problème en 3 minutes 16, après un spear. Ah, parce qu'il s'est passé quelque chose avec Tamina ? Ou c'est un random ? 3 minutes pour aller pisser, il faut dire rapide, hein, quand même. Ouais, fallait pas aller faire caca, ça c'est clair. Ouais, non, ça a préféré les problèmes. Ouais, alors fallait partir en courant avec le pantalon baissé pour revoir le match. T'as déjà vu Caitlyn catcher ? Oui, à NXT. Ah, t'as pas de chance. Hein. Ouais. J'ai quand même en plus, t'as quand même vu sa pire période parce qu'elle s'est vachement améliorée depuis ça. Ah bon ? C'est impossible. Non, franchement. Non, ça, c'est... Attends, depuis à NXT, ici, quand même. Abuse pas, Vincent. Sois honnête. Surtout qu'à NXT, a débuté le catch, je crois qu'on figurait donc. Ouais. Non, mais bon. C'est un super mémorable du triple threat avec Layla et puis comment elle s'appelle Eve. Où elle loupe en fait le cognage des deux têtes et qu'en fait c'est les épaules qui se cognent. C'était mythique ça. C'était... Enfin, je sais pas. J'étais le seul à le regarder. Voilà. Tout le monde était mort. Voilà, c'était inutile. Non, sinon, moi je vais dire que le match de Diva est au niveau de Caitlyn. Acheté. Ouais, non, mais voilà, sinon, la décision d'Iva est morte en fait. Hein, donc, bon, pas besoin d'en débattre tant, les gars, franchement, c'est mort. Il n'y a vraiment pas d'espoir. Non, mais, là. Non, mais rapidement, il y a un gros paradoxe, ouais. C'est que quand même, ils ramènent des tas de divas du côté de NXT. La WWE va faire des tas d'auditions. Je crois qu'il y a eu 3 ou 4 de signés là, dans la semaine. Bah oui, et en plus, la WWE va faire des auditions partout, là, Californie, New York et compagnie. Il va y avoir un Diva Search aussi, j'ai vu. Mais oui, c'est ça. Ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'ils vont faire un Diva Search. Qui est vraiment le truc, on va chercher la nouvelle Kelly, alors qu'ils ont recruté Sarah Del Rey en coach, et ils ont des super catchers passés par la Shimmer, Paige. NXT, ouais, Paige, Emma, Il y en a une autre, ça c'est pour Darren. Davina Rose, enfin il y en a 3-4. Ouais, et... si c'est celle qui remporte Diva Search a autant de talent que Leila, ça me dérange pas. Oui. Mais le problème c'est que Diva actuellement est à moitié qui est pas très bonne, on va dire en général, c'est-à-dire Caitlyn, Aksana et ouais, bon, je sais pas qui d'autre encore, mais voilà. Sinon, il y a Naomi, il y a Edge qui peut venir aussi catcher. Maintenant que moi, je ne lui vois pas une utilité aux côtés de Dolph Ziggler actuellement, elle ne fait rien. Donc, mais non, mais le problème, c'est qu'il ne se passe rien. Elle peut revenir à son rôle de catcheuse. Ben oui, il ne se passe rien. Donc, elle peut revenir à son rôle de catcheuse. Et au lieu de laisser clair. Natalia aux côtés du Great Khali aussi, là. Oh, ben aussi, Natalia, voilà, c'est une perte de temps. Elle sait tout faire dans un ring. Ben oui. Natalia, Leila. Elle est au-dessus des autres. Et on lui fait perdre du temps avec Khali. C'est dingue. Mais Leila, c'est dingue. Leila pourrait redevenir heel. Ce serait clairement pas un souci parce que c'est une face assez non, ça ah oui bien. Il faut qu'un style de sa blonde adorée oui mais on voit très bien de toute façon elle fait toutes les conférences et tout ça c'est une face c'est une 100% face elle redeviendra pas heel c'est pas possible. Ben, en fait, le problème, c'est que moi, je l'aimais bien quand elle était avec Michelle McCool. Bah, après, il faudrait que McCool revienne et qu'il reforme un duo. Quoi. Ça en fait, bien, mais... jusqu'au temps où ils ont commencé un petit peu à trop jouer sur ce duo-là et que c'est devenu vraiment les pimbèches de service à la con, franchement, je l'aimais bien ce duo qui fonctionnait plutôt pas mal. L'idée des deux ceintures pour... c'était une bonne période, c'était une très bonne période. C'était une bonne période. Mais ça manquait un petit peu de challenger quand même. Mais bah, enfin, voilà. C'est voilà, il faudrait quand même qu'on trouve quelqu'un à opposer à Caitlyn. Je pense que... Non, mais de toute façon, les divas, enfin, de toute façon, il y en a, genre Alicia Fox, tu sais pas si elle est encore face ou heel. Non, mais tu sais jamais, Alicia sont comme Fox. Ça, c'est ça. Alicia Fox, tu le sais jamais parce que d'un coup, elle est. Non, mais elle peut passer du coq à l'âne. À Raw, elle peut être face et au SmackDown d'après, elle peut être heel. Et pourtant, c'est con parce qu'Alicia Fox, elle reste quand même douée dans un ring. Et en plus, elle a du talent et en plus, elle est mignonne. Non, mais ce qui est surtout super con, c'est que quand elle avait eu le titre en 2010, elle était nulle à chier dans le ring, quoi. Alors que maintenant, elle est beaucoup, beaucoup plus forte et bah, ils savent pas quoi faire avec, quoi. Elle était... Je m'en rappelle pas. Je crois que ça fait vraiment longtemps que vous avez pas regardé Alicia Fox. Non, mais je me rappelle... En même temps, elle apparaît plus dans les shows, donc forcément... Oui, bah oui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, en effet. Bon, messieurs, le main event... Très rigolo. Ah là là. Ça a duré 20 minutes et 55 secondes. C'était trop long. WWE Championship. Je suis d'accord. Bon. Il y avait une stipulation. Si le Rock perdait par disqualification ou par décompte extérieur, il perdra le titre de champion. Et le vainqueur affrontera John Cena pour le titre à WrestleMania 29. Et comme par hasard, messieurs, The Rock a battu CM Punk. Bon, sans surprise, hein, on savait tous. Je me suis fait chier, encore une fois. Le public mort. Et quand The Rock y rentre, c'est pas si énorme que ça. Non. Le public, mais pendant le match, le match peut pas leur en vouloir, hein, honnêtement. Non, mais le match, il faut encore du public. Hein. Bah non. Non, mais le match. Non, est non, nul. C'est la faute que The Rock est complètement rouillé. Et mais puis, c'est voilà. Exactement ça. Le Rock, voilà. Et... C'est cruel pour CM Punk parce que. Enfin, voilà, le problème, c'est quand même. Je vais quand même défendre le Rock. Le Rock a pas catché pendant 7 ans. Le Rock, il est complètement rouillé. Le Rock, il a 41 ans. Et justement, The Rock, tu lui imposes pas des matchs de plus de 20 minutes. C'est pas Jericho. 30 secondes. Ouais, enfin, tu m'excuses, mais l'Undertaker... Vas-y, finis, vas-y. Non, mais attends, l'Undertaker, quand il s'arrête, c'est pas 7 ans. Hein. Ouais, mais même oui, un an, tu te rends compte, un an, ça reste quand même long. Hein. Et puis, l'Undertaker a plus de genoux. L'Undertaker a plus de... Il a 10 ans de plus, surtout. Non. Aussi. Ouais, mais lui est capable ouais, mais de The Rock, il paraît qu'il aurait des problèmes cardiaques. Donc. Mais enfin, The Undertaker aussi, le dernier match, on use beaucoup d'artifices hein, quand même pour ça. C'est pour ça que je pense que l'hypothèse du triple threat à WrestleMania, triple threat, oh là là, à WrestleMania entre CM Punk, Cena et The Rock est toujours d'actualité. Hein. Bien sûr, pour moi, ce serait la meilleure idée. Mais voilà, de toute façon. Et je pense que la WWE est pas trop conne non plus. Je pense qu'elle s'en est rendue compte qu'un contre un, là, ce serait. Le problème, c'est que. C'est que Vince, il en a marre de voir Punk et Cena s'affronter. Et moi, j'en ai pas marre. Ça sera un triple threat, de toute façon. Au contraire, c'est l'affiche, quoi. Attends, ça fait 2-3 ans qu'on voit ces trois personnages se tourner. Les mettre à WrestleMania en main event, c'est un peu. Ben, c'est l'apogée. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Calmez-vous. Mais oui. Mais en fait, je pense pas que vraiment le public en ait. Quoi. Mais non, mais c'est pas. Je dis pas que c'est le public qui en a marre, c'est Vince qui en a marre. Non. Voir Punk et Cena. Si, il a dit. C'est une rumeur à la con. Oui, c'est une rumeur à la con, mais c'est ce que j'ai lu. C'est une rumeur à la con. Dans ce cas-là, on se rappelle aussi. Enfin, voilà, plein de trucs. Il faut pas croire tous ces papiers à la con. Mais non, il faut pas croire. Mais voilà. En plus, Punk a trop tourné autour du titre pour être comme ça mis de côté à WrestleMania. À WrestleMania, oui. Oui, et puis il est trop ancré avec le Rock et avec Senna. Puis The Undertaker reviendra pas. Ça, je pense qu'on l'a tous compris. Exact. Je pense qu'on va avoir les deux grosses affiches, ce sera Lesnar Triple H et ce Triple Threat ou peut-être Cena Rock seulement. Et puis ça permettra aussi, si on a ce cas de figure, ça permettrait quand même d'avoir Cena qui fait le pin contre Punk. Et dans ce cas-là, bon, voilà, ça décrédibiliserait pas trop The Rock, qui... on pourrait toujours traîner dans les parages plus tard après un petit tournage ou deux. Enfin voilà. Je pense que ce serait assez bien. Ouais, moi, je me suis carrément fait chier. De toute façon, vous avez remarqué, je me suis fait chier tout le temps sauf pendant l'Elimination Chamber match. Non, bah, un moi, peu comme tout le monde, toi, j'ai l'impression. Hein. Bah, un peu comme tout le monde. Et moi, très légèrement l'opener, mais sinon, ouais. C'était pareil. Ouais. Bah, bah, là, à choisir des deux matchs, si je compare celui du Royal Rumble entre le Rock et Punk et celui de. Mission Chamber, moi j'ai quand même une préférence pour celui-là. Non, moi-même, ouais. Parce qu'il y avait trop de jeux, la disqualification, ouais. C'était chiant, le truc des arbitres. Non, fou. Par contre, le truc. Bah, écoutez-moi, c'est. Par contre, là où le booking est bon, c'est quand Rock se fait compter jusqu'à 9. Ouais. Non, pouah. C'est bien beaucoup. Après, Renaud, quand tu dis comparer, moi pour moi, celui du Rumble était meilleur parce que là, il y avait un vrai suspense. Oui. C'est ça. Je parle en qualité de match. Il y avait l'intervention. Bah, je suis totalement d'accord avec toi, c'est clair. Le suspense, pour moi, fait partie de la qualité d'un match. Parce qu'un match sans suspense... Bah ouais. Pour moi, franchement, ce match-là aurait pu avoir Punk sorti gagnant, ce qui aurait totalement relancé l'idée du triple threat et qui aurait facilité le booking, hein, franchement. Ouais, mais non, mais c'était impossible de refiler le titre à CM Punk. C'est impossible. Bah, hein. Écoute, ouais, c'est vrai que dans ce cas-là, ouais, tu lui fais pas perdre Royal Rumble. Bah, oui, c'est ça, oui. Ça. Oui, moi aussi, je m'attendais à quelque chose du genre double disqualification, un truc, une connerie du genre, je sais pas, moi. Non, mais c'est vrai que par rapport au triple threat, si Punk gagnait, Punk arrivait à rester Mania champion, le Rock il avait sa clause de revanche puisqu'il perdait à Elimination Chamber et Senna lui il avait sa place par rapport au Royal Rumble. Je vois ce qu'il veut dire oui, en basse par là. Oui, alors que voilà. Punk, c'est vrai qu'il a avec ses. Ça facilitait le booking, mais après, bon, on serait dit pourquoi avoir retiré le titre à Punk pour le Rumble. On aurait regardé quand même. Voilà. Après, le défaut, c'est d'avoir fait perdre le titre. Ouais. Deux fois, Punk a perdu, quoi, clean, donc c'est ça qui est un peu embêtant pour lui, mais il va se récupérer contre Senna, c'est ça le ricochet, mais. Voilà. Mais en fait, la semaine prochaine, là, je me demande vraiment ce qui va se passer. Parce que bon, Cena balance sa chance comme ça. Bon. Mais Cena n'a jamais battu CM Punk, non? Je pense que justement, on va jouer là-dessus et que Punk va gagner et qu'après, Cena va quand même s'incruster. Je pense que Cena a déjà battu CM Punk, mais à l'époque où CM Punk n'était pas le CM Punk qu'on connaît maintenant. Ah oui, d'accord, oui, parce que dans Cena, il disait en fait qu'il a jamais battu CM Punk. Je pense qu'il a battu quand CM Punk avait, tu sais, qu'il avait mis son masque, qu'il était rasé chauve et qu'il avait mis son masque parce que Rey Mysterio avait. Mais c'est un ancien Punk, je veux dire, c'est vraiment pas. Voilà. Oui, voilà. C'est l'ancien, quoi. C'est vrai, c'est l'ancien Punk, c'est pas le main event. Confirmé c'est depuis ça. Qu'il est animateur confirmé, c'est voilà, là, oui, il n'a pas battu. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça que Cena voulait dire. D'accord. Exactement, mais franchement, hein, si on regarde le Rock depuis qu'il est revenu, au final, on est clairement déçu, quoi. Mais non, mais. Là, mais attends, Gus, tu prends son match au Survivor en équipe, tu prends son match contre John Cena à WrestleMania, tu prends ces deux matchs contre Punk, mais dis pas que t'es pas déçu. Bah non, qualité de match, je parle. Mais moi, je savais très bien que ça serait pas des 5 stars match, les gars. Tu viens de dire ça reste très plat, donc à partir de là. C'est plat, ça c'est clair et net. Mais on sait très bien que le Rock, on sait très bien qu'il n'aurait pas pu sortir de 5 stars match, les gars. On sait très bien. On pouvait s'attendre quand même à clairement mieux. Mais contre Punk, non, mais les gars, putain, quand t'arrêtes de catcher 7 ans, tu peux pas te remettre au niveau. Comme tu étais avant, quoi. Je rejoins un peu Gus là-dessus. Peut-être pas parce que on savait que ce serait pas des matchs à 5 étoiles non plus, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu décevant dans le fond de voir des matchs comme ça. Bon, après, c'est ça que je dis. Je dis pas que je m'attendais à un Rock qui revienne et qui catch comme quand il avait 35 balais, le mec. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que contre Punk, je m'attendais à mieux. Contre Senna, à la limite, Senna, il est vraiment limité. Voilà, le mec, c'est pas faire une souplesse arrière. Mais Punk, aussi, il est limité au final. Punk a toujours été limité. Hein. Le Rock Punk a toujours été limité. Eu du mal dans les grands moments. Je suis désolé, mais Punk a toujours eu du mal dans les grands moments. Je sais pas si vous vous souvenez de sa première rivalité avec The Undertaker. C'était pas des matchs fabuleux. Le booking était pas donné aussi, hors base, le temps qu'on leur donnait. Oui, le booking était pas fabuleux, mais je suis désolé. Mais oui, mais depuis Punk, il a progressé. Quoi. Il faut son match à Money in the Bank contre Cena, il fait ressortir Cena grand. Son match à Night of Champions contre John Cena. John Cena, c'est catché. Je ne vais pas déconner non plus. C'est pas le dernier. C'est pas la dernière pluie. Mais Cena, quand il s'y met, il peut y être. Voilà. Il faut que l'adversaire soit vraiment bon aussi. Aussi ça. C'est pas étonnant que les matchs à CM Punk sont toujours énormes d'ailleurs. Ces matchs contre Daniel Bryan, ils sont énormes aussi. Hein, CM Punk. Oui. En plus, je connaissais la ROH. Oui, mais pour revenir à The Rock, en fait, je crois que la WWE, c'est uniquement le coup marketing. Quoi. The Rock, forcément, c'est très vendeur. En plus, en ce moment, il y a G.I. Joe. Donc. C'est hyper vendeur. Après, va au fond de son truc, ça vend beaucoup de billets, puis ça attire beaucoup d'autres fans autres que le cash. Donc, Ça pue la thune à plein nez. De toute façon, Jim Ross, il avait dit. C'est pour ça que je disais Jim Ross. Je vais encore le citer parce que c'est un peu ce que je sens, c'est un peu mon impression. Mais lui, il a dit John Cena, The Rock, c'est l'argent. Voilà. Mais c'est ça s'arrête. C'est exactement ça, de toute façon. On en avait déjà parlé lors du podcast sur le Royal Rumble. Hein. Le Rock, il vend son nom. Le Rock, il vend son nom. Voilà. Ça marche, c'est remarquable. Et ça marche. Donc ça marche pour tout le monde. Pour le Rock, ça marche pour la WWE, pour McMahon. Voilà. Au final, leur WrestleMania, il est vendu. C'est pour ça que Jack Swagger, c'est pas non plus si surprenant que ça d'un point de vue marketing, parce que WrestleMania, il est vendu depuis un bail. Hein. Vous pouvez très bien prendre des risques sur Swagger, les gars. Mais vraiment. C'est tellement vendu que The Rock, il faisait même la conférence de presse pour WrestleMania 30, alors qu'il risque pas d'y être. Donc. Si, il sera. Oui, il sera. D'une année, moi, je sais pas, il faut voir. Le Rock. Ah, si, il y sera la prochaine. Ils vont faire ça pendant 3 ans. The Rock, il va aller jusqu'à WrestleMania 30, après, il va s'arrêter. Ouais, bon, avec des grosses pauses, il peut revenir à. Ouais, exactement. Comme un Lesnar, quoi. Exactement. Qui est-ce qui a envie de revoir du Lesnar Triple H ? Pas moi. Pas moi. Juste comme ça. Avant, parce que de WrestleMania, dont on parle tout à l'heure, mais juste avant, j'ai envie de faire un débat sur une possible unification des titres majeurs. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas, messieurs? Oui, attends, pardon. Les notes. On est dans le pay-per-view, mec. Les notes. Je ne sais pas s'il y avait l'avis de Sébastien ou de Vincent, peut-être sur le match. Moi, je voulais juste te dire, parce qu'avant, vous parliez de la possibilité d'inclure CM Punk dans un triple threat avec Cena et The Rock. Moi, je n'y crois pas, tout simplement, parce qu'il y a un tel intérêt financier là derrière. Et pourquoi la WWE, en tant qu'entreprise qui a vocation à faire du profit, se priverait d'un des matchs qui a été l'un des plus lucratifs de l'histoire, c'est-à-dire Cena contre Rock? Parce qu'avec Rock, ça serait encore mieux. D'un point de vue des fans, d'accord, il y aurait certes plus de qualité dans le ring, mais ça rapporterait peut-être moins d'argent d'ajouter CM Punk est vendeur. CM Punk avec Cena et Rock, c'est encore plus vendeur. De toute façon, ne prendrait pas de risque, à mon avis. Tout est calculé, là. Tout est planifié, là. Pour WrestleMania, de toute façon, la WWE, c'est très bien où elle va. Oui. Punk, un mec de rajouter Punk, franchement, je veux dire, c'est carrément vendeur. Sur le main event, ils savent où ils sont. C'est sûr, sur le main event, mais pour le reste, je pense qu'ils sont pas vraiment au point. Certains matchs, peut-être qu'ils en discutent encore, mais voilà, on est d'accord sur le main event. Mais pour le main event, c'est clair, c'est établi, il n'y a pas de soucis là-dessus, c'est sûr. Je sens le WrestleMania à deux affiches et après, ça va être du gros remplissage quand même. C'est ça. On va se retaper des matchs assez chiants. Parce qu'il n'y a rien de lancé sinon. Alors, ouais. Mais c'est peut-être déjà, ce qui me fait mal quand même, c'est de voir Daniel Bryan qui a été tellement fort toute l'année dernière et qui là est en train quand même de s'empêtrer avec Kane dans... C'est surtout que la team Elno elle aurait dû perdre les titres un peu avant. Fait un moment qu'ils auraient dû donner la chance à Rod Scholar, à mon avis les faire splitter et leur donner un match à WrestleMania à tous les deux parce qu'ils le méritent. Franchement, les deux ont fait tellement un gros boulot qu'ils méritent d'avoir un splitter, une tech team qui sépare et qui finit franchement la pose voyez... à WrestleMania. Quoi. Vous parlez de WrestleMania. Ça va ? D'accord. Ça va. Je vous ai dit. On va parler de WrestleMania tout à l'heure. Oui. On va faire notre petit débat et avancer les notes. Oui, les notes, oui, sur 10. Les notes sur 10. Aïe, aïe, aïe. j'ai peur, messieurs. Renaud. Je mets 5,5. Ouais, je mets 5,5 parce que Rumble j'avais mis 4 et moi j'ai clairement préféré ce pay-per-view là. L'élimination de Chamber j'ai bien aimé, je trouve que c'était un très bon match. Le main event, moi personnellement j'ai préféré celui-là à celui du Rumble, donc c'est logique pour moi. Et le match à 6, les deux teams, j'ai bien aimé le travail du Shield et l'entrée de Ryback sur la fin, donc je vais mettre un 6. 6 plutôt. Non, excuse-moi, j'ai dit quoi? 5,5. Oui, 5,5, excusez-moi. 5,5. Sébastien. Moi je trouve que l'ensemble n'est pas tellement catastrophique que ça, il y a quelques surprises je trouve, et même la qualité in-ring, on va pas dire que ce soit non plus extrêmement dégueulasse, donc je vais quand même mettre un 5,5 aussi comme Renault. C'est gentil, Tifo. Bah moi je vais mettre un 3. Ah merci. non mais franchement dans ce pay-per-view, à part le Chamber match, le reste du temps je me suis fait chier. Putain, des gars, voilà, hein, de des quoi gars quand même, putain. À SummerSlam, vous osez pas descendre à telle note et tout. Et là, je vous vois descendre ce pay-per-view. Je suis content parce de pas l'avoir vu. Chier. On se fait chier, quoi. Le road to... Normalement, le road to WrestleMania, c'est une des meilleures périodes. On doit c'est kiffer. La meilleure période. Bah, oui, ça doit c'est être. Mais alors là, on se fait foirer, chier. Ouais. Ils sont en train de se craquer, d'aller dans le mur. Donc moi, honnêtement, oui, il y a juste le Chamber Match pour moi qui est bon, qui a un très bon niveau et qui relève le niveau du pay-per-view. Parce que sinon... C'est emmerdant, voilà, c'est tout. Rusty. Ouais, pareil que Tifo, 3, hein, parce que bah, hormis l'élimination de Chamber, un tout petit peu l'opener, je me suis globalement emmerdé tout le reste et très déçu par certaines prestations de mecs. J'attendais pas énormément à haut, mais enfin, moi, ils m'ont beaucoup déçu. John Cena et The Rock. Mais moi, ça sera un 2 au final. Je suis très sévère. Ah, ouf, elle a pas descendu par rapport à Twitter, c'est bien. Non. J'ai mis 2, je voulais mettre 3, mais... Bah c'est mieux que le Rumble, avec... c'est déjà ça. Moi, j'ai mis 1 pour le Rumble. Non, mais c'était vraiment... On se fait chier. Si je devrais donner une note à ce Road to WrestleMania pour le moment, elle serait de 0, par exemple. Non, c'est pas bon, quoi. C'est... Non, les gars, non, ils peuvent pas présenter ça. Ils ont pas le droit de présenter un truc comme ça... À cette période d'année, c'est juste pas possible. À WrestleMania, tu dois t'éclater. Là, on se fait chier. On se fait chier. Et pourtant, sur le papier, c'était prometteur quand même. Sur le papier, la carte était superbe. Ils nous font ça. Non, putain, les gars, arrêtez quoi. Je pense que le problème, c'est qu'on a trop planifié en avance. Et qu'on a trop la WWE a trop planifié son truc. Ils ont pas travaillé sur autre chose, surtout. Aussi, mais je trouve aussi que bah, le fait que tout le monde avait prévu le The Rock CM Punk, qu'on voyait déjà le scénario se dérouler devant nous, je pense que ça a quand même nuit sur la surprise, sur tout ça. Bah, et... Justement, c'est ça, il n'y a pas assez de surprise. C'est ça. Voilà, ouais, c'est je pense que ça fout un petit peu le produit en l'air. Non, pas de note pour moi, Brusty. Hein. J'ai pas regardé le pay-per-view. Au pire, je peux noter le booking, mais pas plus. Bah oui, comme Kevin, oui. Vas-y. Ah ok. Merde, j'avais déjà ma note moi. Ah t'as dit 2. Mais non mais j'ai calculé tout la moyenne en fait. Ah mais c'est pas grave, de toute façon c'est pas comptabilisé nous. Ouais bah non. Ah oui bon. Et Vincent tu l'as pas compté au final? Si. Ah non merde. Et ouais parce que Vincent avait dit puis. Putain. Ah ce Vincent alors. Putain Vincent tu me fais chier. Non mais est-ce que t'as la note de Vincent? Non mais sérieusement je passe au bureau puis on m'oublie encore quoi. C'est tu mets combien Vincent? Vas-y, tu mets combien? Finalement, je mets 4,5 quoi. Je suis assez gentil, mais 4,5 c'est bon. C'est ça reste Mission Chamber quoi, c'est un peu son gros dire, mais ouais, la note que... la note est pareille au final. Ouais. Donc, Il y en a combien qui ont voté? 6. Moi j'ai 6. Pas voté. 3,9. 3,9 exactement. J'ai pas voté. Oui, mais c'est une note non comptabilisée. Mais allez. Tu n'as pas vu le view, tu n'es pas. Allez, on va mettre 2 10 comme à l'école des fans et ça va. Tu mets un 10. Un 10. Pour que t'arrêtes un peu de me cracher dessus. Où elle est ta maman? Elle est où ta maman? C'est qui elle qui a est là. Bon, là, ça part aussi, les gars. Et donc, en gros, là, le titre que t'as aimé, Gus, là, pour numéro 31, bah, il s'applique vachement quand même. C'est la route de l'ennui, ouais. Red Mania. Ouais, mais attends, sur le booking, moi personnellement, pour l'instant, je lui mets quand même la moyenne, parce que bon, même si ça se tend tout seul comme un... Enfin voilà, si tu vois tout venir quand même, je trouve que c'est pas non plus trop nul. Enfin, que celui qui a vu venir Swagger, faut qu'il me le dise. Ah, ben, franchement, celui qui a vu venir Swagger... Ben. Ouais, mais arrêtez. Ben, il a dit ça en déconnant, il a eu les points, il a fait son truc, mais... Non, mais il l'aime beaucoup, Swagger. Bon, ben voilà, tant mieux pour lui, je dis pas, mais me dites pas que Swagger, c'était prévu, et les shields qui bat Sheamus, Ryback et Senna, quand même, c'est bon, quoi, ça fait plaisir. T'allais mettre qui? T'allais pas mettre Chris Jericho, il est face. Non, j'ai mis Marc-Henri, Mark Henry, ok, il est revenu, mais le gars, il a déjà eu son tour. Ça fait un moment qu'il a déjà eu Non, mais là, je suis vraiment pas d'accord qu'on me dise pas que Jack Swagger c'était prévu, c'était tout le monde ne pensait à lui et tout, c'est pas vrai. Non, non, tout le monde pensait pas à lui. Non. Moi, c'était pas. Bon, tout le monde est resté mort, tout le monde est resté con. Ouais, ouais. Ah, moi, c'est peut-être parce que, bon, moi, je regarde un peu de loin. Tout le monde pensait à Orton ou Henry ou à la limite. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Jericho. Ah, merci. Orton, il a rien fait depuis des mois. Voilà, quoi. Merci. Justement, ça aurait été le moyen de relancer. Bah, c'était comme Cena quand il avait gagné la mallette, hein. Ouais, bon. Sauf qu'il avait perdu après, je sais. Et le Rumble, pareil, hein. Ouais, entre les cycles défaites. Donc, bon. Voilà. En termes de booking, bon, voilà, c'est pas trop surprenant. Voilà. Donc, perso, ouais, moi j'aurais mis un petit 5 par-ci par-là. Mais je glisse ma note, oui. Allez, Kevin, glisse ta note aussi. Tu mets un 10, un 10, un 10. Non, je vais mettre 5,75. Ah, le boulet. Ouais, c'était juste parce que je voulais pas faire de moyenne. Hein. Ne rêvez pas, les gars. Ouais, voilà. Non, c'était clairement. C'était vraiment un très très mauvais pay-per-view que nous ne conseillons pas. Ça, tu vas y arriver. Par les Français. Nous ne vous conseillons pas ce pay-per-view. Voilà, j'ai réussi. À part le Chamber. À part le Chamber match, bien sûr. Commenté par nos amis Vincent et Broustier avec Impact Wrestles. Non. Non. C'est un catch. Voilà. Impact Wrestles, ça c'est le numéro d'Impact. Ceci est un botch. Non mais j'ai illustré Alberto Del Rio contre Big Show, c'est pour ça. Mon Dieu. Bon, on va passer à ton sujet favori, non? Ben ouais, le débat quoi. Oui. À 22h23. Oui. C'est quoi? Alors, le débat, messieurs, l'utilité. 12 ans après. Ouais. Réunification des titres mondiaux, messieurs. Le titre de World Heavyweight Championship et le titre de WWE Championship doivent-ils être réunifiés pour le bien du roster? Non. Franchement, la question ne se pose pas vraiment parce que, bon, on a deux shows qui sont un peu... qui sont distincts. Bon, on aurait dû. Bon, la barrière a été un peu coupée récemment, etc. Complètement, même la barrière est cassée. Voilà. Il n'y a plus de Raw, il n'y a plus SmackDown réellement, quoi. Je pense surtout qu'on a un problème de densité du roster, mais que cette densité, on n'arrive pas à l'utiliser. Et ben voilà, quoi. C'est un gros problème, pas au niveau des titres mondiaux qui sont plutôt bien traités en général, qui ont leur temps d'antenne. Je parle pas en termes de qualité, hein. Je parle en termes de temps donné, etc. Bon, on leur donne du temps à ces titres-là, etc. À SmackDown, comme à Raw, etc. Je dis beaucoup, etc. Bref. Et alors que, voilà, quoi, c'est inversement, les titres intercontinentaux US ont eu un traitement un peu plus... Bon, un peu meilleur en ce moment, mais pas non plus exceptionnel. Et je trouve qu'on n'utilise pas assez la densité du roster pour mettre en avant ces titres. Il y a beaucoup de gars qui sont en attente avec des titres mondiaux qu'on n'utilise pas. Tout simplement, genre Orton qui a cette période à vide, Sheamus qui est un peu entre les deux, qui rivalise avec The Shield parce qu'il n'a pas beaucoup mieux à faire. Et voilà, quoi, on ne sait pas trop utiliser ces gars, alors qu'on pourrait les utiliser pour des titres secondaires, mais qui gagneraient grandement en valeur si des gars comme ça s'y intéressaient. Voilà. Ouais. Mais moi, je suis carrément pour oui et pour unifier les titres. Hein. Moi, je suis clairement contre. Ben, moi, je suis oui. Alors, ma raison, ben, déjà, comme tu le disais un peu hors base, ben, c'est que clairement, il n'y a plus de brand. Donc, à partir de là, c'est dur d'identifier les ceintures, même si la poids lourd, elle est beaucoup plus orientée SmackDown et puis WWE beaucoup plus orientée Raw encore, évidemment. Mais le problème, c'est que la ceinture poids lourd, elle a une exposition vraiment qui n'est pas bonne du tout depuis pas mal de temps. Elle fait les openers, elle n'a pas vraiment d'intérêt, moi, je trouve, aux yeux de la WWE. Donc, à partir de là, je ne vois pas le danger d'unifier. Et puis, comme ça, au moins, elle se pose moins de questions pour la variété des affiches. Ça lui permet de faire un peu plus tourner le main event et de donner plus de chance, paradoxalement. Hein. Parce que plus il y a de ceinture, j'ai l'impression moins il y a de chance. Alors... Mais on le voit, même les ceintures mineures et tout, c'est toujours les mêmes qui tournent. Donc il y a un moment, moi je me dis qu'à réduire, ben, tu fais un peu plus tourner. Quoi. Ben moi en tout cas, je suis clairement contre, comme Gus. Parce que moi, secrètement, j'espère quand même un retour, un de ces jours, à la normale avec les deux brands. Donc bien, bien différencié Raw et SmackDown, comme avant quoi. Donc, si on unifie les titres, là, ça voudrait vraiment dire que c'est mort, qu'on n'aurait plus qu'une brand et ça annoncerait pour moi aussi la mort de SmackDown. Oui. Parce que pour avoir, en ayant un seul titre, tu peux pas faire tourner un deuxième show. Pour moi, tu peux pas. Non, moi, je vois pas où est le problème, honnêtement. Non, mais moi, sur le. Non, mais les gars, il y a un vrai problème qui s'est posé. Pourquoi on a posé cette question? C'est que le problème, c'est qu'il n'y a plus de brand. Bah oui, voilà, mais moi, c'est putain de brand, bordel de merde. Mais attends. Unifier les titres, ça veut dire aussi une grosse, mais quand même une très très grosse mise à jour du roster. C'est là, il faudrait plus garder les mêmes gars. Le problème de la WWE, si elle fait ça, c'est qu'elle peut plus garder cette densité de show, parce que deux shows majeurs, main event, NXT, plus le petit truc à la con, 7 heures des morning slam, ça ferait beaucoup trop pour le petit qu'ils ont, et je pense que voilà, il y aurait beaucoup trop de gars et ça se traduirait par des licenciements à l'appel, à mon avis, parce que il y aurait beaucoup trop de gars pour trop peu d'enjeux et on ne saurait pas s'en occuper. Oui, mais moi justement, je suis d'accord, c'est plus le ménage d'un low card ou d'un mid card plus que la main event, donc à partir de là, c'est pour ça que moi je suis pour unification, parce qu'un main event finalement on a les mêmes, donc voilà, ouais. Ouais, c'est... mais attends, si on a tout le temps les mêmes, au bout d'un moment, on se lasse. Bah, c'est ça, ouais, parce que rien que déjà autour du World Heavyweight Champion et du WWE Champion, on a souvent les mêmes. Alors, s'il n'y en a plus qu'un titre, mais je t'explique même pas, on n'aurait aucune chance de voir genre un Mark Henry aller pouvoir titiller le titre. Mais... ce serait toujours du CM Punk, du Cena, du Orton. Mais non, mais justement, il varierait beaucoup les affiches, alors que là, ils se forcent à faire des rematchs. Ouais, mais connaissant la WWE, ils le feront pas. Ils ne pourront pas faire tourner les affiches. Bah, ils vont toujours caser leur Cena, leur Orton, c'est sûr. C'est sûr que je ne suis pas dans leurs esprits. Moi, j'ai plus une vision un peu plus idéaliste, en prenant compte de leur cassage des brands, évidemment. Moi, ce qui me gêne à l'heure actuelle, c'est l'utilisation du World Heavyweight. Parce que il est soit en opener, soit on sent vraiment que là, ils font vraiment passer en dessous du WWE. À un moment donné, non, c'était vraiment à part égale. Et là, maintenant, c'est vraiment le WWE qui prend le dessus. Ça, ça me gêne beaucoup. Parce que... sinon, oui, voilà, sur le truc en ce moment, à l'heure actuelle, comment c'est maintenant, je rejoins Broustier. Sinon, après, je suis d'accord avec Tifo et Gus. Je pense qu'il faut deux titres si vraiment ils conservent Raw et SmackDown. Déjà pour les house shows aussi. Quand les gens ils vont voir soit SmackDown, soit Raw, on a envie que les titres soient défendus. Et les mecs ne voyagent pas ensemble. Mais à l'époque, SmackDown a été créé en 99, il y avait qu'un titre de champion du monde et ça se passait très bien. Hein. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de main eventers et il y avait qu'une ceinture. Et quand tu étais champion, tu étais vraiment le champion. T'es pas dans la même époque. Ouf. Hein. Oh. Non, mais à ce niveau-là, il y avait autant, sinon plus de têtes d'affiche qu'à Ouais, voilà, non, merci. Même genre en 2008, quand Edge avait le titre de World Heavyweight Champion à SmackDown, tout se passait très bien. Enfin, exactement, on voyait, voilà, c'était super. Bien, parce que le World Heavyweight, je me souviens, c'était quand j'ai commencé à regarder le catch, c'était 2008. Moi, c'est vraiment ce qui me faisait kiffer, de voir deux brands séparés avec deux champions bien distincts et tout. Ça, c'était vraiment top. C'est pour ça que les problèmes, c'est pour ça que les choses se ressemblent, que je dis beaucoup. C'est ça, moi je te rejoins totalement. Je me fais chier. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de brand, on voit les mêmes têtes à Raw et à SmackDown. Et, bah, c'est pour ça. Et, ça c'est donne, pour... et en plus, on n'avance pas plus dans les feuds, quoi. Donc du coup, on se fait chier, clairement, parce que c'est tout le temps les mêmes trucs qu'on voit. Et c'est ça qui me Ça donne un essoufflement du produit. Mais moi, c'est pour ça que je regarde plus SmackDown. J'en ai marre parce que je sais que je vais encore voir genre du Sheamus, du Orton que j'ai déjà vu à Raw le lundi. Et ça va faire une répétition encore. Puis même, ça avance plus, quoi. Honnêtement, ça avance plus. Quand tu dis qu'avant, il y avait plus, des... raison de plus de ne pas regarder. raison de plus de pas regarder SmackDown, tu t'es déjà tapé 3 heures d'euro. Mais oui, c'est ça. Non, mais même quand tu dis qu'avant les pay-per-view c'était séparé, un pay-per-view pour SmackDown et le mois d'après un pay-per-view pour Raw, c'était beaucoup mieux. Enfin, je dis pas que c'était beaucoup mieux, mais je veux dire que c'est là que tu voyais l'importance qu'il y avait vraiment deux brands distincts. Ils ont... Kevin... on explique, hein, parce que bon, là, en Kevin... gros, il y a Kevin qui demande, ils ont prévu un draft. En fait, c'est un peu l'hypocrisie de la WWE de garder son draft alors que ben, l'année dernière, il y avait encore le draft. Hein. Non, il n'y en a pas eu. Moi, j'attendais qu'une chose chaque année, c'était le draft de la WWE. Et le draft, c'était génial. Ouais. Enfin, voilà, c'est... Moi aussi, j'attendais ça avec impatience. Quoi. Même le draft supplémentaire sur internet. Et ouais. Le coup du John Cena SmackDown Raw, c'était déjà il y a 2 ans. Eh oui. Ouais. Ah, ça passe vite. Hein. Le coup de Mark Henry champion, c'était il y a presque 2 ans déjà. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ça passe très très vite. On s'en rend pas compte. Hein. Ah, voilà, messieurs, pour le débat. Enfin, il y a peut-être des gens qui veulent dire encore des choses. Mais... Sébastien, mais ça. Ah, pour moi, le championnat du monde poids lourd reste quand même une ceinture qui a une certaine importance. Et c'est quand même la deuxième ceinture en termes de hiérarchie. Mais là où la question pourrait réellement se poser, pour moi, c'est plutôt pour les titres intercontinentaux et titres US, où la valeur est strictement identique et elle n'est pas très importante. Donc là, on pourrait unifier. Mais le championnat du monde poids lourd et WWE, il faut les garder deux titres uniques. S'il fallait en réunifier, pour moi, ce serait le titre intercontinental et US. Est-ce que je viens de dire, oui. excuse-moi, moi j'avais pas compris ça, désolé. Ouais, peut-être, oui, ce serait peut-être une bonne idée parce que recentrer un petit peu toute la mi-card autour d'une seule ceinture, ça permettrait aussi de décentraliser vers les titres par équipe qui ont une sorte de, on va dire, de résurrection un petit peu avec Elno, mais là ça repart un petit peu vers le bas. Enfin, c'est un peu en berne à mon avis. Vu ce que je lis, Ils ont fait le tour, quoi. Ils ont fait un petit peu le tour. Hein. Road Scholars, Elno, machin. Ils auraient dû changer le titre au bout d'un moment. Ils ont trop hésité là-dessus. Enfin, bref. Mais peut-être décentraliser un petit peu les quarts d'heure. On avait vu l'équipe Gabriel, Tyson Kidd, qui était assez prometteuse et dont ils ont absolument rien fait. Et voilà, quoi. C'est bon. Problème aussi, je crois que Tyson Kidd est blessé, un truc comme ça. Pour un an, ouais. Ouais, voilà. Et. Voilà, c'est déplacer des gars qui sont peut-être pas forcément avec une grande exposition, les foutre sur le titre par équipe, ce serait peut-être bien, tu vois, un petit peu regrouper pas mal de personnages, histoire d'avoir au moins 4 équipes qui se crêpent le chignon, pouvoir faire des tournois, des matchs à plusieurs, des matchs de qualification, etc. Ça, rien que ça, tu vois, ce genre de processus, ça redonne de l'intérêt à une ceinture. Et ouais, c'est très con, mais ça passe, enfin ça passerait. Et ce qui fait peur finalement, c'est que Antonio Cesaro est champion US depuis SummerSlam, et depuis cette période, il n'a pas eu un seul challenger qui était véritablement crédible pour lui prendre la ceinture. Et ça fait presque un an maintenant. Ouais, voilà. C'est très décevant. Le gros problème de mid-card. Cesaro, ça fait que 6 mois qu'il est champion. C'est pas un an. Il a pris la ceinture à Night Pre-show Champions. Du SummerSlam. Non, t'as raison. SummerSlam. Si, au pré-show du SummerSlam, ouais. Ouais. Non, mais bon, voilà, oui, de toute façon, je pense aussi qu'il faut réunifier. C'est quand même un bon prétendant. Hein. C'est un bon prétendant, mais après, c'est les matchs qui sont vraiment pas de très voilà, grand niveau. Après, les matchs, je les ai pas vus, donc je ne sais pas, mais je trouve que ce serait un bon prétendant. Enfin, que c'est un bon prétendant. Moi, ça me fait chier de voir The Miz en mid-card, quand même. Bah, franchement, tu trouves que le gars, au niveau du main event in-ring, hein. Attends, il y en a plein des gars du main event qui n'ont pas le niveau main event en ring. Hein. Oui, mais. Ryback par exemple. Je suis fan du bonhomme, mais je sais très bien que dans le ring, il n'est pas extraordinaire. Non, mais je sais pas, mais The Miz, il y a eu un effet essoufflement, machin tout. Là, il y a une sorte de seconde vie. En face, je trouve que c'est pas trop con de l'avoir refoutu en mid-card, parce que là, on revient au problème, c'est que si jamais on le foutait pas en mid-card, où est-ce qu'on le foutait? Parce que le main event est bouché, et je ne vois pas The Miz s'incruster où que ce soit. Limite, franchement, très très lointain, il y aurait peut-être eu un petit rapport avec The Rock à un moment, ça aurait peut-être, mais là, ça faisait beaucoup trop avec CM Punk et Cena. Voilà. Mais voilà, moi je pense que c'est bien qu'ils soient en mid-card. Ah bah oui, c'est sûr. De toute façon, les places sont bouchées, là, ça va pas bouger. Enfin, les statuts ne vont pas bouger, en tout cas, avant l'après WrestleMania, ça c'est sûr. Ouais. Enfin, moi, ce qui me désespère, c'est des gars comme Drew McIntyre qui sont... Ah, d'ailleurs, les Chouembi, ils deviennent quoi? Rien. Ils ont eu... C'est vrai, ils étaient bien montés pour le Rumble, et puis... Pouf! Ah, mais je sais pas, moi. Mais franchement, qui en a quelque chose à foutre. Voilà. Ah. Bah, c'est ça le problème. Oui, il y a trop de monde. Et la WWE, de toute façon, a trop de monde. Donc, Il faut virer du monde. Et puis, il y a tous les mecs aussi qu'elle fout à NXT, comme ça, les McGillicuddy, Tatsu et tout. Fait un bon. Il y a certains qui mériteraient d'être mieux. Et puis, voilà, il y a certains qui mériteraient moins. Ça. Et le fil rouge, c'est quand même GTG qui est encore là. Des gars comme ça, tu vois, c'est quand même très moche de voir. Ouais, on comprend pas ça. Ouais. Engagés. Bon, messieurs. On a malheureusement plus le temps de parler de WrestleMania 29. Oh, tout en cœur, j'adore ça. Ouais. Mais nous allons faire une pré-émission de WrestleMania. Non, une émission pré-WrestleMania, pas une pré-émission. C'est pas... Faut refaire là aussi. Non, mais il est... ouais, bon, je la refais. On fait une émission avant WrestleMania. On fait une émission pré-WrestleMania. Oui. Ah. Mais ah. Car la carte aura plus de clarté. Quoi. Le nouveau sang de Mano. La Carina. Oui. Mon Dieu. Bon messieurs. Oui. Merci d'avoir été là. Merci Kevin d'avoir fait ton retour. Bah, la liste des partenaires et puis. J'attends que Kevin y parle. Hein, et après je le fais. Il s'est endormi, je crois. Merde. On a perdu Kevin. Merci Kevin d'avoir été là. Ouais, merci d'avoir été là, Kevin. Merci Orbaz d'avoir fait ton retour, toi aussi, au final. Ouais. Ça fait combien de temps que t'étais pas venu? Oh, je crois que j'étais pas là à TLC, j'étais là... Ah bah, je m'étonne que Kim... T'étais là à Elin de Sel, Orbaz, j'étais plus revu depuis que je suis arrivé. Ouais, Elin de Sel, ouais, exactement. Bah, depuis Sylvain Garnalec, depuis qu'il m'a squatché, je... Ah oui, je m'en suis pas remis. Ça t'a fait mal, ouais. Je m'en suis pas remis. C'est ça. Bon, messieurs. Kevin est out. Il y a un problème avec l'appel avec Kevin. Comme d'habitude. Allez, messieurs, on va pas faire... Non, il y a un Canadien qui peut faire coucou, non? Je crois. Est-ce qu'il y a MP qui veut dire bonjour avant de partir? C'était quoi cet accent de merde? Ah ouais. Ah oui, je suis là, je vais dire un bonjour. J'ai pas pu être présent pendant toute l'émission, mais je vous ai rejoint lors des dernières minutes. Et ça avait l'air très intéressant. Donc c'était très intéressant. On peut avoir la note d'MP quand même, Gus? Lui qui a vu le pay-per-view. Ah oui, mais moi, je vais voir le pay-per-view, une note, allez, voilà. Ben moi, j'ai décidé de mettre la même note que Rumble, 5. Donc, okay. Voilà. Ouais, voilà. C'était bien Renault le plus généreux. Alors. Avec mon demi-point de plus, ouais. 5-5. J'ai mis 2. Allez, bon, messieurs, les partenaires, Instant Catch, Vox Catch, Twitter, Facebook. J'en ai trop, là. La Wrestling Evolution League. Messieurs, faut m'aider, là. iTunes. FN Lutte, bien sûr. iTunes, FN Lutte. C'est couillon, il y a le truc de Kevin aussi. Oui, Radio Dialogue. Je sais plus le bande FM à Marseille, mais c'est sur Marseille. Hein. Je crois que c'est 89. Je crois que c'est 89.8. C'est une connerie comme ça. Central Pop Rock. Par cœur tous ses partenaires. C'est bien. Oui, attends, excuse-moi, mais on en a beaucoup. Donc, si tu veux, je me rajoute. Hein. Vous venez, j'ai un blog. L'Orbe Space. Voilà, ouais. Tapeur Orbe Space. Bien, sur Google, et vous trouverez. Il y a Orbaz, il fait des critiques de films et tout, c'est génial. Ouais. Bah là, il y a une interview d'un gars qui s'appelle le Fossoyeur de films que je vous conseille d'aller voir. Il est vraiment très sympa. Et... Enfin bref, je suis un petit peu de sa pub, mais voilà. C'est le frère Otaker? Hein? C'est le frère Otaker? Ah, écoute, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, en anglais, ça donne The Undertaker. Enfin voilà. Mais franchement, ouais. Il est très sympa, vous devrez regarder, il parle de tout. Enfin, il parle de cinéma de manière très fraîche, voilà. Bon, alors Gus, je vais reprendre la liste des partenaires vite fait grâce au sujet créé par Renaud sur le forum. Donc, alors, il y a FN Lutte, Vox Catch, la Wrestling Evolution League, Twitter, Facebook, YouTube, iTunes, Instant Catch, Catch Asylum et Central Pop. Asylum. Asylum. Je sais pas comment tu dis. Alors, mais moi aussi, je savais pas comment le dire au début, moi aussi. Hein. Catch Asylum. Attends, Asylum. Je suis français, les gars. La France, monsieur, la France. Et moi, je suis content. Réédition du jeu Batman Arkham Asylum. Oh, on peut repartir sur Kevin alors. Kevin, non mais oui. Il est encore en train d'essayer de faire ça. Est-ce que tu peux dire, on disait tu nous avais manqué et tout et on. Oui, mais vous aussi. Est-ce que tu veux revenir pour le prochain? Eh bien, donnez-moi une date, donnez-moi quelques jours. Ça sera dans à peu près 5 semaines. Ah oui, c'est large. D'ici là, je serai plus vite. C'est large. C'est large. Bah écoute, pourquoi pas, soyons fous. Allez. Ah oui, comme ça, si un match en cage, tu pourras te poser la question aussi. C'est vrai. C'est vrai. Enfoiré. Bon, là, oui, c'est... pas revenu au fait. Hein. Oui, on rappellera sûrement l'année dernière. Oui. Où la cage. Il n'y a pas de match en cage de prévu cette année. On sait jamais. On sait jamais, un ciel ouvert et tout. Bon, bah, écoutez, messieurs, on va pouvoir se quitter avec nos Twitter. Et on va pouvoir se quitter. Vincent, ton Twitter, c'est. Ouais, tu vois, Vincent. Orbaz. Réel Orbaz. Je parle la France. Je crois qu'on a perdu Kevin. Réel Orbaz. Est-ce qu'on a perdu Kevin de nouveau? Non, il est là. Ton Twitter. Kevin. Mon Twitter, à Kevin Coloc. Bien sûr. Rusty. Philly Land. Tifo. L-8 Tifo. MP. WR Maxime Poulain. Renaud. Malenko 06. Sébastien. Ricalé 867. Et quant à moi, c'est Spartagus. Et je vous rappelle, je profite que Kevin soit là pour répéter que Kevin est disponible à Sion toute ah oui, Kevin, colocation, oui, c'est bon, on a compris. Nul, Kevin, c'est nul. Juste comme ça, Kevin, est-ce que tu peux nous donner la bande FM de Radio Dialogue sur Marseille? Alors, à Marseille, c'est 89.6. À Marseille, si vous êtes à Aix, c'est 101.9. Et sinon, vous pouvez écouter sur internet radiodialogue.fr. Et est-ce que Kevin peut nous parler de sa nouvelle radio? Parce que j'ai vu qu'il allait lancer une nouvelle radio. Ouais, alors ça s'appelle Revolt, c'est pas vraiment une nouvelle radio. En fait, c'est comme Central Pop Rock qu'il y avait avant, sauf qu'on va vraiment diffuser que des artistes que vous ne connaissez pas encore, et vous allez connaître, qui sont souvent des artistes indépendants, et qui sont souvent mieux que ce que vous pouvez entendre parfois sur les grandes radios. Ah, donc Central Pop Rock, c'est terminé, ça y est. Le nom a changé, mais l'aventure est toujours la même, on va dire. D'accord. Ça devient triste de tout. Tu aurais pu me prévenir. Parce que nous, ça fait des mois qu'on dit Central Pop Rock. Ah oui, non, mais ça a changé depuis même pas un mois. Hein. C'est tout récent. Ça va. On est... Heureusement que je nous préviens. Mais oui, je suis toujours là pour te prévenir, mon Gugus. Quand même. En tout cas, ça nous a fait très plaisir que tu sois revenu. J'espère que tu pourras revenir un petit peu plus souvent. Ton temps le permettra. Ouais, j'ai un truc de ministre, hein, c'est un truc de fou. Non, mais c'est vrai que j'ai un petit peu moins suivi le catch. Et d'habitude, les périodes de WrestleMania, pourtant, je les suis de près. Mais là, j'ai un peu plus de mal. Mais je vais essayer de m'y remettre pour revenir la prochaine fois. Eh oui, bah écoute, quand tu veux, tu le sais très bien. On t'accueille quand tu veux, bonhomme. Allez, messieurs, je vous propose qu'on se dise au revoir. Mais ce n'est qu'un au revoir, messieurs. Nous nous retrouvons dans à peu près 5 semaines pour une preview de WrestleMania 29. On va essayer de vous préparer. On va essayer de vous préparer quelque chose. Pour le moment, on vous dit rien. J'ai des plans dans la tête que même vous ne savez pas, messieurs. On va essayer de. Là, il y aura aussi Impact Wrestle. Oui, en plus. Ça sera Lockdown. Hein. Oui, c'est ça, Lockdown, qui aura lieu le 10 mars prochain. Allez, ciao, bientôt. À dans 5 semaines à peu près. Ciao. À ciao. Au revoir. Ciao.